Amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien dans l'écoute de RGM, Radio Guémozo, la radio libre et locale. Locale et libre, enfin, qui s'efforce d'être libre. Et ce soir, bien, le programme de ce calendrier des esclavages et des libérations, eh bien, ce sera Yamaguchi, survivant de Nagasaki, de Hiroshima et de Nagasaki. Il a survécu deux fois. Ensuite, histoire de la sécurité sociale. Jean-Luc Mélenchon, vaccin, l'effondrement de l'État rend la France impuissante. La France impuissante. Et puis, il y aura aussi une revue de presse. Puis voilà. Alors, bonne soirée. Thank you. Que s'est-il passé le 16 août? Eh bien, par exemple, le 16 août 1819, en Grande-Bretagne, suite à la dépression due à la paix de 1815, 80 000 personnes manifestent pacifiquement à St. Peter's Field, près du Manchester. La cavalerie arrête les meneurs. Dans l'affolement et la panique qui suit les forces armées, tirent au hasard. On compte 400 blessés, dont un quart de femmes. Ce massacre de Peterloo, nom forgé par dérision sur Waterloo, deviendra le symbole de la répression aveugle. C'était en Grande-Bretagne, en 1819, hein. Loin d'ici, toute ressemblance. 1830, France. Les cochers des fiacres et des cabriolets s'attaquent aux omnibus qui leur font concurrence. 1923, Allemagne. Un marque en or vaut 1 million de marques en papier. 1936, France. 8 000 ouvriers agricoles se rassemblent à Béziers. Cette manifestation s'inscrit dans le mouvement de mécontentement du monde paysan qui éclate lors du Front populaire. Un des types d'action est la grève des bras croisés. 1940, France. Une loi de Vichy, complétée par le décret du 9-11, s'attaque aux syndicats. Seront dissous par décret les groupements généraux rassemblant à l'échelle nationale les organisations patronales et ouvrières. 1942, Pologne. Le médecin éducateur Janusz Korczak accompagne librement au camp d'extermination les enfants juifs dont il s'occupait. Comme eux, il va à une mort certaine. 1945, Vietnam. Réunion du Congrès national pour approuver l'ordre d'insurrection générale lancé par le Front de libération du Vietnam. 1955, France. Au chantier de Saint-Nazaire, le texte accordant 22% d'augmentation est approuvé par les travailleurs. 1980, Pologne. La grève s'étend à Szczecin et à d'autres ports de la Baltique. Un comité inter-entreprise est créé à Gdansk. Il revendique le droit de grève, la liberté syndicale, la suppression de la censure et la libération des prisonniers politiques. 1982, Argentine. L'épiscopat catholique demande la levée de l'état de siège est la solution immédiate du problème des prisonniers politiques et des disparus. Avant la famille Tutsi, aller voir la famille Hutu, y avait pas le moindre souci, ils se faisaient des poutous, ils se tenaient par la main, évoquaient les lendemains, parlaient du prix du manioc, prêtaient volontiers leur coq. Mais le monsieur qui vend des canons est venu leur dire non de non. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Tutsis que les Hutus se prennent pour les Manitous et aux Hutus que les Tutsis ne rêvent que de les voir oxy. Moi je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Une Kalachnikov ou un missile rendent les femmes des ennemis dociles, d'autant que ça n'est pas leurs époux morts qui pourront vous causer le moindre tort. Quand le tonton de Serbie allait chez le tonton Kosovo, ils échangeaient leurs brebis, ils se vendaient des petits veaux. Et leurs enfants s'aimaient bien, ils se tenaient par la main, ils se baignaient dans le Danube, écoutaient les mêmes tubes. Mais le monsieur qui vend des canons a dit c'est fini, nom de nom. Plus question de vous aimer. Ensuite il a affirmé aux Serbes qu'un Kosovar, ça vaut pas un pet de canard. Il y a un slogan qu'on applique, purification ethnique. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire avec le Coran ou l'Évangile. On obtient de jolies guerres civiles. Vous pouvez mettre à sac les maisons sans pour autant risquer la prison. Quand le grand-père irakien et le grand-père iranien troquaient leurs tapis anciens, le pétrole ne valait rien. De Téhéran à l'Euphrate, on se partageait les dates. Contre un sac de haricots, on louait son bourricot. Mais le monsieur qui vend les canons a dit battez-vous car sinon mes blindés, mes bazookas vont me rester sur les bras. Irakien, il est grand temps d'annexer le Khouzestan. Et toi l'Iranien, j'espère que tu ne vas pas te laisser faire. Moi, je vous vends la guerre, vous n'avez plus qu'à la faire. Vous aurez des femmes en ribambelle et bien entendu même les pucelles qui dans vos bras se retrouveront nues, n'iront sûrement pas se plaindre à l'ONU. Japon 1945. Un train relie Nagasaki à Hiroshima. Dans un wagon se trouve l'homme le plus malchanceux du pays, ou bien le plus chanceux. Un homme en tout cas qui s'apprête à devenir un rescapé miraculé de l'histoire. Il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. Il ne le sait pas encore, mais le destin va bientôt s'acharner contre lui. Le 6 août 1945, Tsutomu est en déplacement d'affaires à Hiroshima. Il travaille comme ingénieur des chantiers navals. Soudain, alors qu'il marche dans la rue, le jeune japonais entend la terrible déflagration, comme le fracas du tonnerre. Il croit distinguer une forme étrange tombant du ciel, un engin qu'il n'avait jusque-là jamais vu et qu'il n'a pas le temps d'identifier. Le voilà projeté par terre. Et soudain, c'est le noir, le feu, les pierres qui volent, les murs pulvérisés, les maisons qui valsent, le verre cassé, les morceaux de bois qui fusent à travers les flammes et le gigantesque nuage de fumée. Tsutomu s'évanouit. L'air s'emplit d'une poussière épaisse et âcre qui sature l'atmosphère et empêche de respirer. Les Américains viennent de lâcher une bombe nucléaire sur Hiroshima. Dans la ville, le silence. Tsutomu n'entend plus rien, il ne distingue plus rien, il ne sait plus où il est. Après plusieurs heures allongées dans l'obscurité, il finit par se relever. Tremblant et vacillant, il s'étonne de se découvrir encore en vie. Il n'a aucune idée du temps qu'il a passé, étendu là, au milieu des gravats. Ses oreilles bourdonnent, il tente de bouger les bras, les jambes, de sentir son corps. Péniblement, il s'extrait des décombres, enjambe les débris, soulève des pierres pour en extraire les corps blessés et inanimés qui gisent là dans les ruines. Par miracle, il n'a que les tympans percés, les yeux embués et le torse brûlé. Il panse ses plaies et passe la nuit dans un abri de fortune. Le lendemain, traumatisé par le choc, il s'empresse de fuir la scène d'apocalypse, fuir le désastre, quitter la ville détruite pour rentrer chez lui, à 300 km de là, au sud-ouest d'Hiroshima, à Nagasaki. Le voilà chez lui, dans sa famille, il reprend peu à peu ses esprits. Le corps encore meurtri, Tsutomu raconte à ses proches la scène d'horreur qu'il a vécue. Cet atroce cauchemar auquel il a miraculeusement survécu. 2 jours plus tard, il reprend le travail. Les mains encore tremblantes, il dessine des plans, signe des contrats et se remet doucement d'aplomb. 9 août 1945, il est 11h du matin. Tsutomu croit délirer lorsque l'histoire se répète. À Nagasaki tombe une deuxième bombe. De nouveau, la terre se met à trembler, le sol à vaciller. De nouveau, les morts s'accumulent autour de Tsutomu. Les corps valsent, les immeubles s'enflamment. De nouveau, le néant. Et le silence morbide et terrifiant après l'explosion. Tsutomu perd connaissance, mais de nouveau, il survit. Le choc est tel qu'il se mure dans le silence. Dans les jours, les semaines, les mois qui suivent, il ne prononce plus un mot. Sa femme et ses enfants sont traumatisés et irradiés. Chaque soir, Tsutomu revit le drame terrible. L'explosion hante ses nuits et ses cauchemars, tourne en boucle dans sa tête. Dans ses rêves, il voit des gouffres sans fond, des abîmes noirs et suffocants. De ses délires, il ne parle pas. Ce traumatisme, il refuse de l'évoquer. Pendant plus de 50 ans, Tsutomu vit reclus dans le silence. Un silence qui finit par lui peser. En 2005, un demi-siècle a passé. Tsutomu sort brusquement de sa torpeur. Cette fois, il se révolte. À 89 ans, sa parole se libère soudain. Il raconte encore et encore ce qu'il a vécu. À son entourage, aux collégiens, aux lycéens, il évoque l'horreur, défend le devoir de mémoire, raconte son histoire, refuse de se taire et avec acharnement combat le nucléaire. Le vieil homme, deux fois atomisé, milite sans relâche. À la tribune de l'ONU, il prononce un discours qui frappe les consciences. Il se sent investi d'une mission. Il s'est juré que plus jamais dans l'histoire, personne ne revivra ce qu'il a vécu. Le 4 janvier 2010, Tsutomu s'éteint, victime d'un cancer de l'estomac. Quelques jours plus tôt, il avait affirmé, joyeux et soulagé, « Ma mission est terminée ». Revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, t'es gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur, je t'ai gardé dans mon cœur. En France, quand on parle de sécurité sociale, on pense à la carte vitale et au remboursement des soins de santé. En réalité, la Sécu, c'est bien plus que ça. Elle gère aussi les pensions de retraite, les allocations familiales, les accidents du travail. Elle fait partie, comme l'assurance chômage, d'un immense système de solidarité collective créé officiellement il y a 70 ans. En 1945, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, tout le pays est à reconstruire. La situation sanitaire et démographique est préoccupante. Le parc de logements est dans un état désastreux. La plupart des personnes âgées ne disposent pas de retraite et la mortalité infantile est très élevée. C'est dans ce contexte que les ordonnances du 4 et 19 octobre 1945 matérialisent le projet de sécurité sociale. L'objectif ? Débarrasser les citoyens de l'incertitude du lendemain. Concrètement, il s'agit de créer un vaste système national d'entraide collective et obligatoire permettant de consolider la solidarité entre actifs et non-actifs, bien portants et malades, riches et moins riches. Des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales sont ainsi créées afin que chacun puisse se protéger des risques de l'existence, en particulier lors des périodes les plus critiques de la vie. Ces caisses ont pour rôle de garantir des moyens d'existence à tous les travailleurs qui se trouvent privés de ressources par suite de maladies, de maternité, d'invalidité ou de vieillesse. Ce système de redistribution va se perfectionner et s'étendre tout au long des Trente Glorieuses. À cette époque, la France s'urbanise à grands pas, le salariat se développe et la classe moyenne s'étend. La sécurité sociale va accompagner et soutenir cette croissance, notamment dans le domaine du logement où la demande était urgente. La vocation du projet de la sécurité sociale est de se généraliser à l'ensemble de la population, de l'accompagner dans ses évolutions et de mieux la protéger des accidents de santé ou des risques sociaux. En 1958, aux côtés de la sécurité sociale, naît ainsi l'assurance chômage, qui contribue également au développement des centres de formation professionnelle. Dès le milieu des années 60, la sécurité sociale est devenue indispensable pour la population. Mais dites-moi, il y a 30 ans, il y a 40 ans, comment faisiez-vous sans la sécurité sociale ? Mais on se soignait quand on avait les moyens de se soigner. Moi, personnellement, j'ai 80 ans maintenant, je suis bien content que la sécurité sociale existe, sans ça, je serais déjà mort. Lors des années 1970, la sécurité sociale accélère sa généralisation à l'ensemble de la population et accompagne de près les changements sociaux, en particulier en ce qui concerne la transformation de la famille et l'émancipation des femmes. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Droit à la contraception ou à l'avortement, parité salariale ou loi sur le divorce, autant de mesures qui vont marquer l'évolution de notre société. D'autres investissements seront également mis en place suite à la crise économique née des chocs pétroliers. Le RMI en 1988, qui deviendra 20 ans plus tard le RSA. Et la couverture maladie universelle, CMU, en 1999. Les changements démographiques, l'augmentation des coûts de santé et les incertitudes économiques obligent à repenser sans cesse l'équilibre entre la rentrée des cotisations et leur redistribution. En 1991, la contribution sociale généralisée, CSG, a permis d'élargir les sources de revenus de la sécurité sociale, mais d'autres réformes seront bien évidemment nécessaires pour assurer sa pérennité et préparer l'avenir. En 1983, près de 40 ans après la création de la sécurité sociale, Pierre Larocque, considéré comme le père de ce projet, dressera un bilan qui reste aujourd'hui encore d'actualité. L'établissement d'un sentiment de sécurité dans la masse de la population et particulièrement dans les éléments qui étaient en état d'infériorité. À cet égard-là, c'est une véritable transformation sociale. Deuxième succès, l'amélioration de la santé, qui est spectaculaire. Et les progrès médicaux qui ont été réalisés depuis cette époque n'auraient pas pu être généralisés s'il n'y avait pas eu la sécurité sociale. Succès aussi par le redressement de la natalité. De fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis 1950, l'espérance de vie a augmenté de 15 ans et la mortalité infantile a été divisée par 16. Le développement des modes de garde a permis aux parents à la fois d'exercer une activité professionnelle et de réaliser un projet familial. L'accès à une médecine de très haute qualité s'est également généralisé. Quant aux pensions allouées aux retraités, elles ont permis à 90% d'entre eux de sortir de la pauvreté. Depuis 70 ans, la sécurité sociale symbolise cette solidarité pour l'amélioration de notre qualité de vie. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Toute Franchise. Vous êtes donc leader de la France Insoumise, candidat à l'élection présidentielle. Mais pour commencer, je vais surtout m'adresser aux députés des Bouches-du-Rhône que vous êtes, puisque l'inquiétude gagne surtout Marseille. 7 cas positifs confirmés de ce variant, c'est ce qu'a annoncé la mairie dans le cadre d'un cluster familial. Le maire de Marseille, il dit, se passe quelque chose à Marseille et chaque minute compte. À quel point vous êtes inquiet de la situation ? Est-ce que vous êtes inquiet pour les Marseillais ? D'abord, je me réfère à lui. Benoît Payan est un homme sérieux. S'il lance un appel de cette nature, c'est qu'il y a péril en la demeure. Au demeurant, Marseille, dans son histoire un peu longue, a déjà été victime d'épidémies terribles, donc ça fait partie de l'histoire de la ville, et il y a un sentiment d'alerte qui est très fort. Alors, à Marseille, se sont superposées toutes les tares de notre époque, et les gens y ont résisté vaillamment. Mais il y a une limite à cette résistance. Alors, quelles sont ces tares? La pauvreté, la misère, le dénuement, l'absence de services publics, tout ça a frappé les Marseillais. Et maintenant, face aux microbes, aux virus, on a le sentiment que ce qui aurait dû être fait en matière de contrôle aux frontières, dès lors qu'on a su qu'il y avait un variant, n'a peut-être pas été fait, et que le suivi de l'évolution de ce nouveau virus n'a pas été fait. Si le maire de Marseille dit qu'il faut prendre des mesures exceptionnelles à ce sujet, j'invite le gouvernement à écouter le maire de Marseille, parce que Benoît Payan ne parle pas pour ne rien dire. Il dit, en effet, il appelle le gouvernement à renforcer les contrôles dans les aéroports, entrées-sorties. Vous appuyez ces demandes, quelles qu'elles soient. Ça va de soi. Peut-être est-il déjà trop tard, puisqu'on nous dit que le virus est entré dans plusieurs départements de France. Alors, pour l'instant, on parle de petits foyers de contamination, mais vous savez comme moi que ça ne veut rien dire. Ça se propage à une vitesse considérable. Alors, on avait déjà le sentiment que la deuxième vague n'était pas vraiment dominée, que la troisième finirait par arriver, et maintenant, voilà que nous nous trouvons avec un virus, donc nouveau, mutant, hein. Alors, on voit qu'on a besoin plus que jamais de discipline, d'ordre, et surtout de clairvoyance, de prévoyance, de logistique organisée. Et là, on a un sentiment de déclassement de la France. C'est-à-dire que le pays qui est capable de faire 4 millions de vaccins contre la grippe, dont moi, n'est pas capable d'organiser une campagne de vaccination de masse quand il s'agit du virus. Lorsqu'il s'agit de la Covid-19, il n'y a pas de choix de vaccin. On dit, vous êtes libre, mais vous n'avez qu'un seul vaccin. Bref, on a le sentiment que l'État s'est en quelque sorte presque effondré. Quand on apprend par-dessus le marché qu'il y a eu des contrats de fait avec 4 entreprises privées pour organiser la logistique, alors là, c'est à pleurer. On va reprendre tous ces points les uns après les autres. Oui. On a un petit peu de temps, mais depuis 3 minutes maintenant, c'est le couvre-feu dans les Bouches-du-Rhône, dont vous êtes, je le rappelle encore une fois, le député. Compte tenu de la recrudescence, notamment, ça a été aussi précisé par la mairie de Marseille, dans les eaux usées de l'épidémie à Marseille, compte tenu de la présence de ce variant, vous êtes en faveur de cette mesure à 18h, où vous rejoignez d'autres élus, comme Renaud Muselier, qui, lui, ne comprend pas et est plutôt en colère. Non, mais beaucoup d'entre nous ne comprennent plus quels sont les objectifs qui sont suivis. Et je le dis sans malveillance ni esprit de système contre le gouvernement. Parce que dans ce type de situation, ce qui doit l'emporter, c'est l'esprit d'entraide et la discipline collective. Mais pour qu'une discipline soit respectée, nous sommes en France, les gens sont aptes à cette discipline, ils l'ont démontré. Il faut qu'on comprenne et que ça soit cohérent. Or, il nous paraît que ce n'est pas cohérent d'établir un couvre-feu à 18h. Qu'est-ce que ça change? On dit, les gens rentrent à la maison, donc le virus circule moins. Ben non, parce qu'avant qu'il rentre, du coup, il s'accumule plutôt dans les transports en commun, et on ne voit pas où est la mesure coupe-feu. Pardon de vous dire que moi, j'avais proposé avec tout le groupe des Insoumis, parce que ce n'est pas moi personnellement, une autre idée, qui était d'organiser la société de rotation. C'est-à-dire, à tour de rôle, au travail, chaque entreprise, par exemple, un jour commencerait une heure avant, un jour une heure après. Ou bien on réduirait la journée de travail, car aucune entreprise ne gagne rien à ce que ses salariés tombent malades. Donc il y a bien un intérêt général à la santé publique dans cette affaire. Nous préférons l'idée d'une société de rotation, d'un état de crise de fonctionnement par rotation, que comme ça, c'est un couvre-feu, on ne comprend pas à quoi il sert. Vous regrettez un manque de concertation avec les élus pour ce type de décision, par exemple? On ne sait pas qui décide et pourquoi. Parce qu'il s'est produit pendant cette période un phénomène assez curieux de concentration sur quelques personnes des décisions, et on ignore les motifs qui les conduisent à décider. Le conseil de défense qui prend les décisions aujourd'hui est tenu par le secret défense. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc très peu de gens décident et on ne sait pas comment. Et je pense que beaucoup d'erreurs tiennent au fait qu'il y a une vision très technocratique de la gestion de la crise, avec un État devenu impuissant, et des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la vie des autres. Et les élus locaux, dans ce type de situation, sont évidemment essentiels. parce que c'est le maillon le plus fort de notre démocratie, c'est la commune. Donc c'est là qu'on a les gens qui savent. Jean-Luc Mélenchon, à ce stade, il n'y aura pas la rotation que vous appelez de vos voeux et cette organisation, elle n'aura pas lieu. Or, vous dites effectivement, la situation, elle est compliquée et le couvre-feu, vous ne comprenez pas très bien à quoi ça va servir ces deux heures. Est-ce qu'il faut envisager de reconfiner Marseille ou de reconfiner des territoires? Je vous pose la question parce que l'une des députées de la France Insoumise de Voran, qui est en plus aide-soignante, c'est Caroline Fiat, elle est députée de Meurthe-et-Moselle, qui est très touchée dans son coin. Elle dit « Le temps des demi-mesures est passé, il faut agir et reconfiner pour sauver ce qui peut l'être ». Est-ce qu'il faut reconfiner territorialement? Elle s'exprimait, alors c'est quelqu'un qui a une extrême compétence, parce que non seulement elle est du métier, mais elle y est retournée. Tout en étant députée, elle a ses horaires d'aide-soignante, elle est retournée sur le terrain. Donc son avis est très précieux, parce que ça part du terrain. Et ils sont d'accord dans le Grand Est, ils ont déjà vécu une première vague qui a été horrible, et ils sont d'accord pour dire reconfiner le Grand Est, les élus. Alors, je prends évidemment, je m'applique à moi-même ce que je recommande aux autres. Je tiens compte de ce qu'ils disent. Mais plus globalement, à ma place, qui est d'essayer de voir le tableau d'ensemble, je sais quelque chose d'important. On ne pourra pas faire vivre la France en épisode de confinement, reconfinement, déconfinement, reconfinement, comme ça pendant des mois, et peut-être une année et demie. Il faut donc, dès maintenant, prévoir et organiser les étapes suivantes. Enfin, si je m'écoute, je me dis, mais je suis en train de dire des banalités, alors pourquoi ne le font-ils pas? Mais pourquoi... en attendant que ça puisse arriver, compte tenu de l'urgence de la situation, est-ce qu'il faut reconfiner territorialement? Comme elle le propose, moi, elle... Moi, écoutez, alors... Dans le Grand Est, apparemment, il le faut, puisque les élus locaux le demandent. Et sans doute une partie de la population. Sans doute le faut-il. Mais écoutez-moi bien, Amélie Carrère, tout de même. Alors, on va reconfiner. Et qu'est-ce qu'on prévoit pour après? Comment va-t-on déconfiner ce qu'on aura confiné? On recommence, comme la dernière fois, à faire tout et n'importe quoi. Et quand la troisième vague va arriver, qu'est-ce qu'on fera? Il faut commencer maintenant à penser un peu plus loin que le bout de son nez et l'instant dans lequel on est. Et nous avons en France des capacités, j'ai dit tout à l'heure. On n'est pas foutu d'organiser une campagne de vaccination, pour ceux qui pensent que c'est celle-là qu'il faut faire, alors qu'on vient d'avoir été capable de faire la vaccination contre la grippe. Qu'est-ce que c'est que ce chaos? Faisons confiance à ceux qui savent faire. L'État, les praticiens de terrain, les élus. On sait planifier dans notre pays. Et là, ça me fend le cœur de voir qu'on a l'impression d'être ballotté par les événements et d'être incapable de les anticiper. Je crois qu'on est capable d'anticiper. Je prends encore 2-3 points très pragmatiques sur ce qu'il faudrait faire ou non. La situation dans les écoles, est-ce qu'il faudrait les fermer ou prolonger? Vous savez très bien qu'on en parle beaucoup en ce moment. Les vacances d'hiver, Jean-Michel Blanquer sur cette antenne ce matin a dit que c'était pas la solution privilégiée. Mais si, il se confirme... Est la solution privilégiée? Parce que cet homme a décidé d'une rentrée, a tenu une réunion de concertation 3 jours après que la rentrée ait eu lieu. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit qu'il faut faire? On aimerait savoir. C'est quand même lui qui a une vision d'ensemble. Ils disent qu'il faut sacraliser l'école et que c'est vraiment en cas d'extrême urgence, gravité, qu'il faudra... Mais il n'a pas que tort. Parce que, en effet, nos enfants ont besoin de se socialiser, de vivre entre eux. Ils se construisent aussi à l'école psychologiquement, pas seulement dans leur savoir. Ça, c'est vrai. Mais alors, on prend les mesures qui rendent ça possible. Lesquelles? Par exemple, on aurait pu profiter des vacances pour organiser, vous savez, les systèmes de purification de l'air. On le fait dans plein de pays. On ne peut pas se contenter de dire « ouvrez les fenêtres », même s'il fait au moins 2 dehors ou pire. Donc c'est absurde de se comporter comme ça. Parce que les gens qui essayent de bien faire, pensant à cela, le prof, l'instituteur, la personne qui est là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Alors ils doivent ouvrir les fenêtres et tout le monde se gèle, ou bien les laisser fermer, on leur dit « ah ben c'est de votre faute parce que les enfants vont tomber malades ». Mais du coup, il aurait fallu... garder fermées les écoles, et comme vous estimez que ce qui devait être fait n'a pas été fait, est-ce qu'il faut le faire? Non, mais alors on passe son temps, si vous voulez. Non, attendez, Madame Carrère, moi je suis pas d'accord. D'abord, c'est pas moi qui gouverne, c'est eux. Il faudrait s'en souvenir. Et deuxièmement, quand on me demande mon avis, on me demande de donner un avis sans avoir les éléments qu'ils ont, eux, d'information, et toujours pour réparer leurs bêtises. Et quand on leur annonce d'avance ce qu'il faudrait faire, je me permets de rappeler, c'est pas pour faire l'orgueilleux, mais que je fais partie des rares personnes qui ont parlé de la deuxième vague. Pas parce que moi, Mélenchon, je serais un génie, mais parce que j'ai consulté, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Là, je dis, il y a une troisième vague, on nous dit, il y a un mutant, pardon, mais plusieurs personnes ont parlé de la mutation des virus, parce qu'ils savaient que les virus, c'est leur manière d'être mute. Donc, on ne prévoit rien à aucun moment, et ensuite, on nous met au pied du mur d'avoir à accompagner des décisions absurdes, violentes. Alors on dit, là, on va reconfiner tout le monde. Mais être confiné, c'est une souffrance. Vous savez, il y a quelque chose... Le gouvernement fait tout pour l'éviter, a priori, Jean-Luc Mélenchon, avec les couvre-feux, en prenant le temps, ils excluent un reconfinement pour le moment. Non, non, non. Ils l'ont redit ce matin, Olivier Véran. Oui, ils disent, et puis ensuite, ils font le contraire. Mmh. Par exemple, M. Macron avait dit que le vaccin était un bien public mondial en juin 2020, après l'ONU. Depuis, il a changé d'avis, c'est devenu le bien privé de Pfizer, et nous sommes tous censés aller nous faire vacciner. Et combien d'autres choses où ils disent, et ils font le contraire. Prenons, là, vous et moi, nous savons, parce que nous avons dans nos familles des petits ou des moyens petits, bon, bref, nous savons tous qu'ils vont mal dans le confinement. Et encore, nous faisons partie des familles qui ont sans doute le plus d'espace à la maison. Imaginons ceux qui en ont moins. Donc, nous savons que nos enfants sont en souffrance psychologique. On vient d'avoir une pause. Il y a 14 départements dans le pays où il n'y a aucun pédopsychiatre à l'école. Aucun, zéro. Quand vous êtes l'instituteur ou... Par miracle, s'il reste une infirmière ou un infirmier dans le collège ou dans le lycée, vous ne savez pas où envoyer l'enfant qui va mal, et en tout cas le service public qui pourrait l'accueillir. Nous avons une augmentation de 50%, nous dit-on à l'hôpital Debré à Paris, de 50% des jeunes gens de moins de 15 ans qui entrent dans une phase suicidaire. Bon. Donc on voit que la jeunesse du pays va mal. Il y a deux jours, un jeune s'est jeté d'une fenêtre, les élus locaux ont réagi, on dit bon, c'est pas pourquoi il s'est jeté, mais attention, alerte. Donc il y a une situation de souffrance psychologique. Le confinement n'est pas une mesure neutre. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Luc Mélenchon, Jean-Michel Blanquer, dit qu'il exclut vraiment jusqu'à l'ultime limite le fait de fermer les écoles, parce qu'il veut aider les enfants. Mais que fait-il à part dire qu'il ne fermera pas jusqu'à l'extrême limite. Et puis un jour, on va lui dire, ah ben, l'extrême limite est atteinte. Allez hop, on referme et on reconfine tout le monde. Est-ce qu'on peut, pour une fois, prendre une main d'avance? Est-ce qu'on peut écouter ce que nous lui disons, c'est pas de la malveillance, organiser la rotation. Les enfants qui ne peuvent pas être dans la salle de classe, éparpillés, alors, trouver des endroits où on puisse faire de l'étude surveillée. Oui, mais ça veut dire plus de personnel. On le trouve où, ce personnel-là, pour surveiller les enfants en dédoublement? Mais c'est très facile. Il y a des milliers d'étudiants qui sont en fin de parcours universitaire et qui sont en état de prendre en charge le suivi, comme nous l'étions lorsque nous étions jeunes gens et qu'il y avait des pions, ça s'appelait autrefois, je l'ai été, je finissais mes études de philo, et ben on aidait les jeunes gens qu'il y avait là. Donc on pourrait le faire à plus grande échelle, de manière à ce que les uns soient dans la salle de classe, dans des conditions normales. On pourrait donner de l'aide à l'enseignant en lui mettant un assistant, qu'on prendrait aussi parmi ces jeunes gens, et puis on organiserait des études surveillées, avec, au lieu d'un seul qui surveille, 3-4 qui interviennent. Et ça, ce sont des choses exceptionnelles. Je ne dis pas qu'il faut que l'éducation nationale fonctionne comme ça tout le temps. Mais dans ce moment exceptionnel, ça, c'est faire quelque chose. Ensuite, organiser l'installation de purificateurs d'air. Enfin, dans ce que je suis en train de vous dire, qu'est-ce qu'il y a d'extravagant? Rien, alors pourquoi ne le font-ils pas? On va ouvrir le dossier des vaccins dans un tout petit instant, mais j'ai une dernière question sur ces mesures très concrètes. Oui. Lieux de culture, restaurants, bars qui ne vont pas rouvrir avant fin janvier, mi-février même pour certains. Est-ce que vous dites, effectivement, dans l'état actuel de la situation, c'est la mesure à prendre? Didier Sicard, il était sur ce plateau à votre place hier soir, et il disait, mais en regardant les choses en face, le mois de février, il est déjà fichu d'un point de vue épidémiologique. Est-ce que vous comprenez qu'on garde ces lieux fermés? Non, je ne comprends pas qu'on ne fasse rien. C'est-à-dire, au début, qu'on ait dit, ah là là, c'est la catastrophe, on ferme tout, on va faire face, on va trouver bon. Et puis après quoi? On continue à tout fermer, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tout le monde soit ruiné, jusqu'à ce que toutes ces personnes soient ruinées. Et c'est la France, ça, un endroit où tout est fermé tout le temps. Il est tout à fait possible d'organiser les choses. Alors on dit tant de personnes par mètre carré, pas un de plus. Bon, bah, très bien, mais au moins on vit, on respire. On ne va pas mettre la vie entre parenthèses. La culture, c'est à peu près pareil. Les gens disent, mais alors on comprend pas. On vient me dire à moi, Monsieur Mélenchon, vous montez dans cet avion, l'avion est plein, vous avez un masque et vous n'avez pas l'air d'avoir peur. Et quand il faut aller au théâtre, où on peut se mettre tous les trois rangs, non, c'est fermé. Tout ça, voyez-vous, je ne fais pas le reproche. Au premier confinement, qu'on n'ait pas su et qu'on ait pris des décisions d'urgence, je l'ai admis à l'époque très facilement. Et j'ai dit, il faut respecter la discipline parce qu'on ne sait pas où on va. Mais maintenant, on sait où on va. On sait que si on continue à tout laisser fermer, on va tuer la culture, on va tuer la manière de vivre française et notre manière d'être, nous, les Français. Donc, je suis contre qu'on maintienne cette fermeture sine die de tous les lieux où les gens peuvent se retrouver. Qu'on y mette des consignes strictes, voilà, c'est sûr, et qu'on les fasse respecter. Mais qu'on ait comme unique solution de mettre tout le monde en prison volontaire pendant des semaines, non. Non, c'est, on ne gouverne pas un pays comme ça. Ce n'est pas possible. Le vaccin, Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise a beaucoup parlé de fiasco. Vous, vous avez parlé de bidouille en reprenant les mots de votre blog. Oui, mais c'était quoi la bidouille selon vous? Qu'est-ce que vous entendez par bidouille? Est-ce que bidouille, ça veut dire aussi cacher, ça veut dire aussi mentir, ça veut dire dissimuler? J'essaye de peser mes mots parce que ça ne sert à rien de rajouter des polémiques aux problèmes qu'on a déjà sur le dos. Mais la bidouille, c'est la gestion aventureuse, pagayouze, alors on vous dit, alors on va faire une campagne de vaccination. Bon, alors quels sont les vaccins? Ah ben il y en a qu'un, le Pfizer. Ah bon? Comment se fait-il? C'est libre, on peut choisir. Vous savez comme moi que ce vaccin, il repose sur une technique tout à fait nouvelle qui est en effet très prometteuse. Ouais. Oui, très prometteuse. Mais on n'a pas pu vérifier un certain nombre de choses. Et on vaccine quand même tout le monde. Ça dépend d'une chaîne du froid. Il faut que le vaccin soit maintenu à une température extrêmement basse. Il y a deux prises à faire. Il n'y a eu aucune rupture de chaîne du froid constatée pour le moment. Pour le moment, aucune. Donc, ni effet secondaire grave, en tout cas extrêmement rarement. Mais madame, il n'y a pas de quoi vous rassurer. Ben, non, mais si vous vous êtes rassuré, moi je ne vais pas vous affoler. Non, non, mais madame Carouer, parlons-nous franchement, vous êtes un être humain, moi aussi. Si vous êtes rassuré, demandez à aller vous faire vacciner, je n'y ai pas d'inconvénient. Mais vous aviez dit, c'est pas obligatoire. Vous aviez dit, si mon médecin généraliste me le conseille, je le ferai. Voilà. Bon, et vous, il vous a rien conseillé, premièrement. Ça ne vous regarde pas, c'est ma vie personnelle, mon médecin. Plus sérieusement, bien sûr, est-ce que vous n'êtes pas rassuré par les dernières constatations? Non. Alors je préfère le dire franchement. Si, puisque vous me posez la question, c'est que vous supposez que je vais vous répondre franchement, pas en faisant la comédie. En effet. Je vous dis, en effet, je ne suis pas rassuré par un procédé qui est tout à fait nouveau, dont on ne connaît pas les conséquences. J'ai appris à l'école ce qu'était un vaccin, et puis il se trouve que j'ai vécu assez longtemps dans le Jura, d'où est Louis Pasteur, pour savoir ce qu'est le vaccin. Donc, je préfère les formes traditionnelles de vaccination, et je m'étonne que quand on est dans une crise d'une ampleur pareille, on aille choisir précisément ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent. Mais parce que ce sont ceux qui sont disponibles maintenant, avec des chiffres, des résultats de plus de 90%, et qui sont... Voilà. Madame Kerouer, je ne vais pas vous contredire. D'accord, vous ne connaissez pas les conséquences à long terme, mais ça ne vous dérange pas. D'accord, vous ne savez pas si ça protège vraiment tout le monde. Les études elles-mêmes disent que non, que c'est à 80%. Mais si vous voulez, faites-le. Moi, je suis pour que ce soit libre. Mais je veux pouvoir choisir. Je ne veux pas être votre cobaye. Donc vous attendrez. Donc moi, j'attends. Mon cobaye, Jean-Luc Mélenchon, je ne vaccine pas personnellement. Non, bien sûr. C'est pas vous que je vise. Je veux dire, je ne veux pas être le cobaye de celui qui me dit « va donc essayer ». Et j'ajoute la chose suivante. Comment se fait-il que nous, la France, nous soyons l'une des seules grandes puissances à n'avoir aucun vaccin? Comment se fait-il que l'Institut Pasteur, qui est un modèle mondial, n'aient pas eu la possibilité encore d'en faire un? Peut-être qu'on pourrait là aussi se demander, est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Est-ce qu'ils ont besoin d'aide? Non, pas de question. Autre question qui va avec, le soin donné aux gens, c'est-à-dire pas seulement vacciner, empêcher la maladie, une fois que vous êtes malade, comment on vous traite? Il y a une structure de l'Institut Pasteur à Lille, c'est pas tout à fait l'Institut Pasteur, mais peu importe, qui avait un protocole, hein, une manière de travailler. Ils disent, écoute, on n'a plus d'argent. Que dit l'État? Rien. Donc c'est une entreprise privée qui a donné l'argent pour LVMH continuer. LVMH qui a donné 5 millions d'euros. Mais le directeur général, j'ai regardé un article justement parce que j'attendais ce dégagement sur le sujet. Le directeur de Pasteur dit que les essais vont commencer dans peu de temps et qu'ils vont soumettre dans très peu de temps maintenant leur traitement aux autorités très bien. De santé. Donc nous sommes capables. Peut-être qu'on pouvait s'y prendre un peu plus tôt. Peut-être qu'on n'aurait pas dû attendre qu'ils soient pris à la gorge et qu'ils aient plus d'argent et qu'ils commencent à aller faire la quête partout pour trouver des sous. Peut-être que l'État aurait pu intervenir. Peut-être qu'on pourrait se reposer la question pour cette entreprise de technique biologique qu'il y a du côté de Nantes, si mes souvenirs sont bons. Moi, je n'accepte pas l'idée que la France ne sache pas faire, Madame Carouer. Je n'accepte pas. Ça me révolte. Nous savons faire. Nous avons les savants. Nous avons les scientifiques. Nous avons les procédés. Comment, expliquez-moi, comment ça se fait qu'on n'ait qu'un seul vaccin qui soit à notre portée, un vaccin américain? Sanofi, à qui on donne tous les ans 150 millions d'euros de crédit recherche, soit incapable de faire quoi que ce soit dans ce domaine et annonce que peut-être en décembre prochain, ils auront quelque chose sous la main. Comment se fait-il qu'il n'y ait plus d'élite en France capable de diriger une entreprise française comme Sanofi, qu'on a été chercher un Anglais pour la diriger et qu'aujourd'hui le bilan c'est zéro? On a donné tout cet argent pour rien. Donc maintenant ce que je souhaite, c'est qu'on se reprenne en main et qu'on dise maintenant on va s'y mettre et organiser nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de donner 100 millions à l'entreprise McKinsey pour nous conseiller comment organiser une déroute comme celle dans laquelle nous vivons à propos... On va parler des cabinets de conseil, mais sur les vaccins, vous avez plaidé cette semaine pour acheter des vaccins à la Russie, à Cuba et à la Chine. C'est parce que ça fait un chiffon rouge. Quand on dit Cuba, Russie, Chine, on est certain d'avoir 10 commentateurs qui hurlent. Si donc c'était dites... de la provoque ? Oui, bien sûr, ça fait partie de la communication. Et donc vous ne souhaitez pas qu'on se tourne vers la Russie, si. Vers Cuba et vers la Chine ? Alors, laissez-moi terminer. Ouais. Je dis ça parce que je ne veux pas que les a priori idéologiques nous empêchent d'accéder à des moyens de santé publique. Si les Chinois, tous Chinois qu'ils sont, ont un vaccin, alors bienvenue au vaccin chinois et je veux pouvoir choisir. De quoi parlons-nous ? Aujourd'hui, dans l'océan Indien, où est présente l'île de la Réunion et Mayotte, mais l'île de la Réunion où il y a une université, eh bien les vaccins qui vont être appliqués à Seychelles, c'est des vaccins chinois. Des Français, il n'y en a plus. Alors, mais l'efficacité, vous avez parlé, vous avez dit... Attendez, je continue, vous avez dit, les Cubains. Non mais justement, sur le chinois, après on vient à Cuba. Sur le chinois, vous avez dit, je favoriserai les vaccins de type traditionnel donnant les hauts pourcentages de résultats positifs comme on les exigeait dans le passé. C'est ce que vous avez déclaré sur le vaccin. En fait, les Chinois, ils ont fini par donner l'efficacité de leur vaccin principal, c'est 79%. Et c'est moins que le Pfizer, par exemple. Eh ben, madame, bravo à Pfizer, et vous êtes un bon agent de propagande pour Pfizer. Là, vous récitez quoi, là ? Vous êtes devenue une spécialiste des vaccins non, chinois. J'ai regardé justement s'ils avaient publié des résultats. Mais madame Carouer, ce sont les Chinois qui les publient. Mais écoutez-moi, vous êtes en train de dire tourne et retourne Pfizer. Je sors pas de l'œuf. J'ai l'habitude de la lutte idéologique. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit pour tout le monde d'aller à Pfizer. S'il y a un vaccin chinois, choisissez ce que vous voulez, mais laissez-moi le droit moi de choisir le vaccin que je veux. Non mais j'interroge le choix. Ça fait partie de mon job. Non, mais je sais que ça fait partie de votre job. Mais en attendant, c'est un vaccin qui fonctionne, vous dites, à 79% des cas. Je n'ai pas la méchanceté de vous dire dans quel cas le vaccin Pfizer fonctionne à moins. D'accord ? De l'aveu de l'étude qui dit que c'est seulement 60%, etc. Je n'ai pas l'intention, moi, de me repeindre en spécialiste de l'épidémiologie. Et ça me fait rigoler de voir qu'il aura suffi que je dise Chine et Cuba pour que des gens sortent de la boîte absolument indignés, que ça laisse indifférent que leur patrie soit incapable de proposer un vaccin, ou qu'il faille aller pleurer dans le giron des Américains pour en avoir, et que les mêmes qui disaient que ça devait être un bien public mondial n'aient plus rien à dire sur le sujet que payer et donner de l'argent à Pfizer. Pour l'instant, le vaccin, il a surtout enrichi les propriétaires de cette entreprise. Je mets en garde et j'invite à réfléchir. Quand on est en situation de détresse, comme nous le sommes aujourd'hui, on prend tout ce qui vient à la rescousse. S'il y a un vaccin cubain, prenez-le. Les Cubains sont des gens très sérieux. S'il y a un vaccin chinois, prenez-le. S'il y a un vaccin malaisien ou ce que vous voulez, ce que je veux dire, l'appel que je lance, c'est ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux, tendez la main et acceptez l'aide et proposez votre aide. Moi, ça me fait mal au cœur que les Français ne soient pas en train d'aider les Seychelles ou Maurice et les autres pays du monde. Et qu'un tout petit pays comme Cuba propose, lui, ses médecins pour aller chez les autres, et que nous, Français, nous en soyons incapables. Voilà ce qui me révolte. Ben, mais bon, ça passera. Hein. Je crois que c'est très clair. Je tiens juste à préciser que je n'étais en rien un agent de Pfizer. J'ai compris. Bon, mais je voulais que ce soit je clair. Je vous pique, vous me piquez, je vous pique. Eh bien voilà, chacun dans son rôle. Je continue alors. Je sais très bien que vous n'êtes pas un agent de qui que ce soit, vous faites votre boulot, voilà. Moi, c'est mon devoir aussi de répondre. Que attention au raisonnement, vous savez, bout de ficelle de cheval, etc. Alors on commence par dire, ah ben ça va pas, donc à la fin on revient à, il reste que Pfizer, ben non. Par exemple, il y a un vaccin qu'on n'a pas cité, le vaccin anglais, il paraît qu'il marche bien, eh ben très bien, proposez-le-moi. Mais je dis pas vous, madame Carouer, mais je dis au gouvernement, ne nous prenez plus pour des imbéciles, nous sommes des adultes, instruits, conscients. Donc il y a un vaccin anglais, vous nous le proposez, oui ou non ? Vous avez commandé des doses ou pas ? Expliquez-moi, madame Carouer, pourquoi le contrat que l'Union européenne a conclu avec le laboratoire Pfizer est un contrat qui est secret, qui fait que quand vous, parlementaires européens, ce qui est le cas de mes camarades, vous dites, ben on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans l'appel d'offres. On vous laisse ni photographier, ni on vous donne le texte, ni vous avez le droit d'entrer dans la salle où se trouve le fameux contrat avec un stylo. Vous ne pouvez entrer qu'avec un crayon de papier. Quel est le problème ? Comment se fait-il qu'on en soit là ? Jean-Luc Mélenchon, compte tenu des doutes que vous émettez, des questionnements que vous soulevez... Vous savez pourquoi je le fais, madame Carouer ? Parce que les gens, ils le savent. Plus ce sera transparent, plus les gens auront confiance. Plus les gens ont confiance, plus la discipline est possible. Et puis on va pouvoir sortir d'une situation absurde. Moi, je vois des gens m'expliquer que le vaccin, c'est dangereux. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est la science ! Enfin, moi, j'ai pris mon vaccin pour la grippe. Et j'ai, quand j'étais gamin, on m'a fait le BCG. Donc, vous dites que le vaccin n'est pas dangereux, mais qu'il est même nécessaire dans une campagne de santé publique. C'est ce que vous aviez déclaré pour le H1N1 en 2009. Je ne suis pas. Je vais plus loin, Jean-Luc Mélenchon. Oui, je vous en prie. Lors de la campagne présidentielle 2017, sur votre plateforme Avenir en commun, vous aviez répondu à une ligue sur la vaccination qu'il n'y avait qu'une vaccination obligatoire qui pouvait s'imposer pour quand il y a des problématiques de santé publique. Du coup, c'est vrai que. On a peut-être du mal pour certains à comprendre les doutes. Non, on n'a pas du mal à comprendre parce que personne ne pousse jusqu'à aller voir ce que j'ai dit à tel mois, à tel moment, à tel... Bon, oui, en effet, j'ai pensé pendant longtemps que la vaccination... Je n'étais pas un spécialiste de cette question. Je suis passé, comme tout le monde, au BCG à l'époque. On était capable de vacciner toute une génération en même pas 15 jours à l'école. Alors après, on avait un petit truc là, on avait tous très peur quand on y allait. Mais on y passait tous. Bon, et dans mon esprit, une vaccination obligatoire, c'était bien. Et depuis, on m'a expliqué, ça marche quand on est en confiance. Mais quand il y a un doute, faut pas faire ça. Parce que ça se retourne contre toi, les gens se cachent, ne te disent pas qu'ils ne se sont pas fait vacciner, font, bref. Donc, on m'a convaincu qu'une vaccination ne pouvait être obligatoire que quand il y avait la confiance. La confiance n'y est pas aujourd'hui. La preuve, c'est que le gouvernement lui-même a dit, il n'y a qu'une personne en France qui a dit que le vaccin doit être obligatoire, c'est Monsieur Jadot. Et je ne le dis pas pour polémiquer avec lui, c'est une opinion, elle se respecte. Lui, il pense qu'il faut faire comme ça. Moi, je sais aujourd'hui que si on fait ça, ça va mal tourner. Je préfère qu'on dise, les gens, rappelez-vous que la vaccination est un procédé scientifiquement valable qui nous a permis de nous débarrasser, même d'éradiquer certaines maladies. Deuxièmement, que vous devez avoir la liberté de choisir. Et dans cette liberté, réfléchissez bien que vous vous mettez en danger si, quand vous aurez le choix, vous choisissez de ne pas vous vacciner. Mais, voilà, on ne peut pas être plus clair. Ce que je n'aime pas... C'est que quand on critique le vaccin Pfizer et le fait qu'on n'ait accès qu'à un seul vaccin, on se fait aussitôt, on vous met une pancarte anti-vaccin. Non, je ne suis pas anti-vaccin. J'ai fait le vaccin pour la grippe. Et pourtant, il y a des gens qui me disent, tu sais, c'est pas fameux, c'est pas 100%. Bah, ma foi, je prends mon risque. Mais alors, du coup, une fois qu'on s'est dit tout ça, on a parlé de la bidouille, puisque vous l'avez qualifiée ainsi, des doutes ou des questionnements sur le vaccin. Qu'est-ce que vous pensez du changement de stratégie ou de l'accélération du gouvernement qui a été ultra critiqué sur son démarrage sur la vaccination en France? Du coup, c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose d'aller plus vite? Écoutez, c'est bien parce que vous, c'est votre métier, vous arrivez à suivre les épisodes, même qu'il y en a plusieurs par jour. Ouais. Alors ça change sans arrêt. Ils font quelque chose, et ben tant mieux. Ça va nous changer, mais enfin, ça a quand même commencé par un désastre. C'est eux qu'on dit qu'il fallait se vacciner avec le Pfizer, qu'on était incapable de l'organiser. Donc, on devrait se poser, me semble-t-il, la question de savoir pourquoi on n'est pas capable d'organiser ça. Pourquoi ? Parce qu'on ne croit pas à l'État, parce qu'il n'y a pas de pôle public du médicament, que si c'était moi qui dirigeais ce pays, il y en aurait un, de pôle public du médicament. Expliquez-moi, Madame Carouer, pourquoi avant on produisait, il y a même pas 20 ans, 80% des médicaments qu'on consommait, aujourd'hui, c'est 80% de ce qu'on consomme qui vient de l'extérieur. Mais sur le fait d'avoir... Madame Carouard, si on ne fait jamais aucun bilan, mais même, vous voyez, j'ai évité de dire c'est la faute à Macron, parce que c'est aussi bien à Macron qu'à Hollande, tous ces gens-là ne croient pas à l'État. Et ils ont tout désarticulé en disant, vous allez voir la magie du marché qui va remplacer tout le monde. On voit rien du tout, aucune magie, à part qu'on est dans la mouise. Et donc, moi, ce que je fais, c'est des propositions... pour essayer d'en sortir dignement et par le haut, en prenant des mesures, voilà. Mais alors, sur la mise en place un peu lente du gouvernement au début, le gouvernement parle d'un excès de prudence. Olivier Véran a fait ses mea culpa, il en a refait encore ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Les mea culpa du gouvernement, vous en faites quoi ? Écoutez, on n'a pas besoin d'une équipe de flagellants, on a besoin d'une équipe qui sache où ils vont. La manière avec laquelle ils ont organisé tout ça est faite en dépit du bon sens, quoi que tout le monde s'en rende compte. Et Olivier Véran, il est auditionné à l'Assemblée mardi, si vous l'aviez en face de vous, ce ne sera pas le cas parce que c'est la commission des affaires sociales, mais vous lui poseriez quoi comme question ? Les députés peuvent aller dans la commission qu'ils veulent, je n'irai pas parce qu'il y a mes camarades... des affaires sociales. Ouais. Olivier Véran, de toute façon, ne répond jamais aux questions qu'on lui pose. Donc, je veux simplement vous faire remarquer que les décisions sont prises par un conseil de défense, alors que nous avons des commissions à l'Assemblée nationale qui seraient capables de prendre des décisions de cette nature. Tout se fait en petit nombre, en petit cercle et dans la plus grande... Alors, il faut suivre. Une semaine, on fait ci, la semaine d'après, on fait ça. On a vu une chose extravagante. Le chef de l'État qui se cache dans le Conseil de défense apparaît dans un journal hebdomadaire pour dire quoi ? Critiquer son gouvernement et s'en plaindre. Mais enfin, l'opposition, c'est nous, c'est pas lui. Alors lui, il fait la majorité et l'opposition. Le président de la République française se plaint dans un journal de son propre gouvernement qu'il ne réunit pas pour prendre les décisions concernant la vaccination et la lutte contre la pandémie. Vous ne trouvez pas ça extravagant ? On en vient au cabinet de conseil. Quatre cabinets de conseil, vous l'avez déjà souligné, donc, qui ont été engagés pour accompagner la logistique, McKinsey ou encore Accenture. Donc visiblement, ça vous convient pas parfaitement. Vous y voyez un défaut, une fébrilité, un manquement à combler, parce que vous avez aussi écrit par le passé que la logistique, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est aussi un métier qu'il faut faire appel aux experts. Est-ce que c'est pas le cas ? La logistique, c'est un métier, et il y a un État pour faire ça. Mmh. Pour organiser les campagnes de vaccination, il y a un système public, de santé publique. Il y a un ministère, normalement, c'est son job. Mmh. Alors, dans leur état d'esprit à eux, toutes les prestations sont des prestations qui peuvent être privées. Et vous verrez qu'un jour ou l'autre, vous aurez des armées privées, comme maintenant il y a des polices privées. Il y a 20 ans de ça, quand on disait une police privée, tout le monde se regardait, vous êtes fous, ça n'existe pas. Si, ça existe. Dans leur vision du monde, ce que je veux dire, ils ont une vision idéologique. Mais une vision idéologique exagérée. Parce que, par exemple, ils s'interdisent de réquisitionner certaines entreprises. J'ai dû dire 10 fois qu'on pouvait réquisitionner Framar qui ne fonctionne pas. Il y a les ouvriers qui sont là, qui sont capables de fabriquer des bonbonnes à oxygène qui sont les plus légères et les plus faciles à installer aujourd'hui. Pourquoi ne l'a-t-on toujours pas fait ? Ça fait 8 mois que ça dure. Mmh. Pourquoi ? Quand je parle avec M. Roux de Bézieux du MEDEF, il ne me dit pas, la fois où j'ai parlé avec lui, il m'a pas dit, non, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit, mais M. Mélenchon, nous, on s'est réquisitionné tout seul, les patrons. Ah bon ? Lui ai-je dit, vous êtes réquisitionné tout seul, pourquoi faire ? Pour les masques, etc. Mmh. Donc, ça veut dire que le gouvernement n'a jamais pensé à le faire par idéologie, alors même que les patrons auraient pu le faire. Et c'est vrai, dans plein de domaines. Ou, par exemple, la réquisition des hôpitaux et des cliniques privées. La première réunion qu'on a eue avec le gouvernement, j'ai dit, le secteur privé, il prend sa part. Édouard Philippe m'a dit, mais comment ? Mais bien sûr, comment osez-vous imaginer ? Et après, qu'est-ce qui s'est passé ? La Fédération des cliniques privées a protesté parce que personne ne lui demandait rien. Et le fait de faire appel à un conseil citoyen, 35 citoyens qui sont tirés au sort, c'est mis en place dès aujourd'hui pour écouter les citoyens qui puissent faire remonter leurs questionnements, etc. C'est absurde. La parole du peuple, écouter le citoyen, la politique participative, c'était une promesse ? Ça n'a aucun sens à votre oreille ? Non, parce que c'est entièrement bidon. Et je vais vous le résumer en quelques mots. D'abord, il y a des assemblées qui existent, avec des gens qui sont élus et qui représentent le peuple, et qui, dans certaines circonstances, comme celle-là, sont eux aussi d'excellents intermédiaires avec la masse de la population. D'abord, les députés, mais aussi les élus régionaux, locaux, etc., nous sommes en contact les uns avec les autres. Alors donc, nous sommes les pestiférés. Donc, nous, on ne nous demande pas notre avis. On tire 35 personnes au sort. Pourquoi pas ? Je vous signale que le tirage au sort, ça a un sens si ça produit un résultat statistique, c'est-à-dire qu'en tirant au sort, on a l'impression que à peu près tous les points de vue vont être recueillis. Vous me comprenez ? Mm-hmm. Si on tire au sort, dans la population, on a la probabilité, suivant le nombre de gens qu'on a tirés au sort, assez grande que ça représente toutes les variantes de l'opinion. Mm-hmm. Mais la lutte contre une pandémie, c'est pas une affaire d'opinion. C'est pas un sujet politique, c'est un sujet scientifique. C'est tellement vrai que le gouvernement a dit, on va tirer au sort, mais on va s'arranger pour qu'il y ait autant de gens qui soient contre les vaccins que pour. Alors premièrement, on apprend au passage que être contre les vaccins, c'est une stratégie contre la pandémie. C'est de la folie. Et deuxièmement, si vous tirez au sort en vous arrangeant pour que les opinions soient préfigurées, ça s'appelle plus un tirage au sort. Et je ne sais pas si on me comprend bien. Tout ça ne tient pas debout. Ça n'a ni queue ni tête. Ça n'est pas une représentation de la population. C'est n'importe quoi et de la com. Et alors, c'est pourquoi j'ai dit bidouille plus com. C'est pas une stratégie de lutte contre la pandémie. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Et arrêtez de croire que les gens sont des imbéciles. On va en venir aux États-Unis. On a une heure, mais en fait, ça passe assez rapidement. Mais juste avant, une question sur l'économie, puisqu'il y a plusieurs secteurs fermés. On l'a encore évoqué ensemble à l'instant. Est-ce qu'il faut un nouveau plan de relance, de nouvelles mesures plus fortes ? Bruno Le Maire, il dit qu'il maintient la mobilisation. Je résume rapidement. On mettra l'argent nécessaire. Il est prêt à muscler l'effort pour lutter contre les faillites. Le PGE qui serait généralisé. L'aide pour les emplois des jeunes s'est prolongée. Quel geste supplémentaire ? D'abord, commençons par un peu d'honnêteté dans le bilan. Parce que le gouvernement et le président de la République s'est vanté d'être le pays le plus intervenant, etc. C'est un mensonge. C'est-à-dire que nous avons perdu 12 points de production dans l'année. Et le gouvernement a remis l'équivalent de 6 points. Donc il en manquera encore la moitié. Je ne sais pas si ce que je dis est assez clair sur le plan économique. Vous avez 12 points de production qui ne seront pas faits. Et vous remettez de l'argent pour 6. Donc vous voyez le trou. Prenons l'exemple des Allemands. Ils font l'inverse. Ils ont perdu 6 points et ils en ont remis 14 de plus. Donc ils sont nettement... Ils mettent plus d'argent qu'ils n'en perdent. Et ils pensent comme ça relancer leur machine. Donc nous, les Français, nous sommes déjà une main en dessous. Premier problème. Deuxième problème, sans entrer plus dans le détail de ce que je viens de dire, au minimum, il faut remettre dans la circulation ce qui est perdu, ce qui a été perdu. Deuxièmement, il faut faire face aux urgences vitales. Vitales. Il y a des gens qui commencent à avoir faim. Il y a des gens qui ne peuvent plus vivre. Donc, premièrement, l'aide aux personnes. Aujourd'hui, l'argent qui est donné sur 100 milliards donné à différentes entreprises, à mon avis, d'une manière irraisonnable. Il y a à peine 800 millions pour l'aide aux pauvres, c'est-à-dire les gens qui ne sont plus en état ni de manger, ni de se chauffer, ni d'avoir de l'eau. Bruno Le Maire, il s'est dit ouvert à davantage de soutien aux plus modestes et pourquoi pas à la création d'un chèque alimentaire, par exemple. Donc il lui aura fallu 8 mois pour se dire ouvert à ce qu'on lui propose depuis le premier jour. Deuxième chose, puisque c'est Monsieur Bruno Le Maire. La gravité de la situation, c'est que des milliers et des milliers et des milliers de petits entrepreneurs, restaurateurs, bistrotiers, petites entreprises, travailleurs précaires, auto-entrepreneurs, ont pris le prêt garanti par l'État. Vous avez tous bien compris, le prêt garanti par l'État. Jusqu'en juin prochain, ils continuent à en donner. Et ces prêts, il faudra les rembourser à partir de 2022. Vous avez des milliers de gens qui savent que leur entreprise, comme elle ne fonctionne pas, ne rentre pas d'argent et par conséquent ne pourront pas rembourser. Je propose à Bruno Le Maire une mesure simple. Qu'il fasse remonter dans une caisse centrale, comme on l'a fait pour la dette sociale, qu'on fasse remonter toutes les dettes de ces petites entreprises, dès lors que les gens peuvent justifier qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires ou que le chiffre d'affaires ne permet d'aucune manière de rembourser quoi que ce soit, qu'on fasse remonter tout ça dans une caisse centrale et que cette caisse, le montant total de cette dette, soit pris en charge par l'État via éventuellement l'Europe et la Banque Centrale Européenne. Je vous rappelle qu'il y a un débat qui n'est toujours pas épuisé, c'est qui va payer cette dette ? Parce que personne ne peut la payer, ni les particuliers, ni l'État. Et c'est donc le moment pour la Banque Centrale Européenne de nous tirer d'affaire, de nous sauver en acceptant que toute cette dette soit gelée. C'est trop compliqué à expliquer en quelques mots, mais personne n'y perdrait un centime. Parce que quand on remonte une dette sur une banque centrale, personne ne perd un centime dans cette affaire. C'est pas vos économies, Madame Kerouer, ni les miennes qui vont être mis en cause, c'est la banque centrale qui s'en occupe. J'adjure qu'on ouvre ce débat. Il y a des gens qui disent que le débat ne doit pas avoir lieu. Si, il doit avoir lieu. Ou bien qu'on nous dise qui, à la fin, va payer cette dette. Je vous le redis, des dizaines de milliers de gens savent qu'ils sont condamnés à une mort sociale. Ne croyez pas qu'ils vont l'accepter. Mais justement, des actions prévues par la CGT, annonce de Philippe Martinez dans le JDD la semaine dernière. Il prévoit des actions le 26 dans l'éducation, le 28 dans l'énergie et également contre les fermetures de sites. D'ailleurs, on pourra dire un mot de Michelin. Est-ce que vous allez vous associer à ces mouvements ? Toujours. Par principe, on participe aux actions, mais ça serait pas mal qu'il y ait une concertation. Vous comprenez, on en meurt de ça. Alors les syndicats de leur côté, les associations du leur, les partis politiques du leur, il n'y a pas moyen de faire converger tout ça et puis de mettre sur la table une série de propositions d'urgence. Je dis même pas qu'on change de rôle. Les syndicats sont des syndicats et les partis sont des partis. Du coup, vous appelez Philippe Martinez à faire ça. On se retrouve autour d'une table, on met ensemble des propositions sur la table. C'est lui l'homme fort. Hein, c'est lui qui a les moyens. Il est le président le secrétaire général d'une très grande confédération. Oui, qu'il prenne la tête de cette convergence, qu'il nous la propose, qu'on aille voir le gouvernement avec des mesures d'urgence. Parce que là aussi, tout est fait et pas fait. Regardez l'argent qui a été donné pour l'aéronautique. Alors bon, on donne de l'argent pour l'aéronautique et en même temps, on licencie. Et en même temps, on met des gens au chômage partiel. Et il se produit quelque chose que je trouve extraordinaire, brillantissime, de la part des jeunes ingénieurs français. Ils ont dit, écoutez, nous, on ne veut pas être payés à rien faire. Donc on vous demande de nous aider à participer à réinventer une autre aéronautique qui serait respectueuse de l'environnement, etc. Donc profitons, si j'ose dire, de la crise pour réorienter. Si je présidais le pays, je dirais, vous là, vous voulez des sous, combien ? Très bien. Mais il y a une condition, je vous donne les sous, mais vous licenciez personne. Et dorénavant, vous changez votre production pour qu'elle soit écologiquement soutenable. C'est dur à faire, ça. Où est la difficulté? Il faut le vouloir et organiser. Un mot de Michelin, du coup. 2300 suppressions de postes, pas de licenciement de départ contraint, mais le PDG, il prévient, il y aura d'autres fermetures de sites. Voyons. J'imagine bien que ça vous choque, mais je vais vous soumettre les arguments du PDG pour essayer d'avancer encore. Il dit, nos clients, à nous, ils sont en demande de produits plus compétitifs. Donc je vous pose la question, quand les clients disent ça, qu'est-ce qu'on fait? On tourne le dos à ces clients, oui ou non? Je vais au bout de la question, il met un autre argument sur la table. Mais vous avez raison, on tourne le dos aux clients, on leur jette les pneus à la figure. Enfin, pourquoi y a-t-il alternative? C'est ou bien accepter une gestion calamiteuse de la société, ou bien être un fou. Entre les deux, on peut faire quelque chose d'autre, non? Il met aussi sur la table les résultats de son entreprise. Il dit que le deuxième trimestre 2020 a été le pire de toute l'histoire de Michelin. Avec une baisse d'activité pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors lui, il dit, mes pneus sont trop bien, donc je peux pas les vendre. L'autre, dans le nord du pays, il disait, mes pneus sont pas assez bien, donc je peux pas les vendre. Et l'un et l'autre, attendez, s'ils peuvent pas, pourquoi ils prennent nos sous? Pourquoi ils prennent notre argent? Ils ont dit, écoutez, non, cette année, on a honte, on prend pas le crédit impôt recherche, parce qu'on n'a rien trouvé, on n'a même pas cherché. On prend pas le crédit d'impôt compétitivité, parce que on n'est pas compétitif, donc tout l'argent que vous avez donné a servi strictement à rien, et on vous prend plus pour la suite. Non, ils prennent, ils augmentent les salaires des principaux dirigeants, c'est pas le cas pour Michelin, mais c'est le cas pour beaucoup d'autres, et vous avez toute une série d'entreprises comme ça, où on augmente la paye du PDG, et où on licencie des milliers de gens. Ça suffit. Ça suffit maintenant. Maintenant, tout le monde étant dans une situation de détresse, il faut l'entraide, se serrer les coudes, s'entraider et pas les uns pillent et les autres souffrent. Donc je ne peux que protester contre cette manière irresponsable d'un certain patronat d'avoir un rapport avec le pays. Ils ne peuvent pas s'en foutre à ce point du pays. C'est leur pays aussi quand même. Ils ne peuvent pas accepter que d'entrée de plume, on condamne à la mort sociale des milliers de gens après avoir pris l'argent de leurs impôts. Enfin, je le dis avec passion parce qu'on ne sait plus comment faire pour arriver à se faire entendre. Et vous avez affaire, pour l'instant, à quelqu'un de raisonnable, à un parlementaire, à un président de groupe. Mais si vous croyez que les gens vont supporter tout ça sans rien dire, c'est une vue de l'esprit. Donc comme on sait que les gens ne le supporteront pas, pourquoi ne pas prendre les devants et essayer de trouver une sortie par le haut où on indique voilà comment on va s'y prendre pour maintenir les emplois, pour faire tourner la production, voilà, on peut le faire. Thank you. Jean-Luc Mélenchon, les États-Unis. On y vient. Est-ce que vous pensez, et même pour le symbole, puisque finalement il reste peu de temps à Donald Trump au pouvoir jusqu'au 20 janvier, mais qu'il faut effectivement, vous n'en avez pas le pouvoir, je vous demande un avis bien évidemment, mais pensez, il faudrait qu'il soit destitué ou une mesure d'impeachment. Et d'ailleurs, je précise que si cette mesure elle allait jusqu'au bout, ça pourrait l'empêcher de se présenter en 2024. Il faut tout faire désormais, même avant la date pour le stopper. C'est ce que... D'abord, il y a deux séries de problèmes. La première, c'est la dignité des institutions démocratiques. Dès qu'on a vu la scène, moi, je tout de suite dis solidarité avec les parlementaires, les congressmen américains, quel que soit leur bord politique. On ne peut pas accepter qu'une assemblée soit comme ça bousculée. Bon, et en fait, c'était pour empêcher l'élection de Joe Biden. Tout le reste, c'est du baratin. Ils voulaient empêcher que ça se fasse. Ils n'y sont pas arrivés. Alors, pour la dignité de l'institution, je sais que mes amis aux États-Unis d'Amérique, dans le groupe des démocrates, demande cette destitution de M. Trump parce qu'ils estiment qu'il est responsable de cette situation. Ça, c'est une première chose. Et évidemment que s'ils le demandent, je pense qu'ils y ont réfléchi et que ce qui est en cause pour eux, c'est de laver l'affront que la démocratie américaine a subi. Mais après, il y a d'autres aspects. Je ne suis pas d'accord pour que les grandes entreprises comme Facebook ou Twitter décident de couper le compte de M. Trump. Alors, quoi qu'on pense de lui. Vous avez réagi effectivement sur Twitter. Justement, vous avez dit le comportement de Trump ne peut servir de prétexte pour que les GAFA, donc ces grands groupes du numérique, s'arrogent le pouvoir de contrôler le débat public. Et vous rajoutez, les lois Macron ont pourtant légalisé cette censure privée. En quoi les lois Macron ont légalisé cette censure privée ? Ah ah, Madame Kerwer, vous êtes capable de repérer en 2017 ce que j'ai dit sur un vaccin, mais pas sur en quoi les lois Macron. Mais eh bien, la loi Avia. Poser des questions. J'ai compris. Bon, bah oui, écoutez, hein, tant pis pour vous. Hein, vous m'avez atteint tout à l'heure, je vous atteins là. Bon, alors pourquoi ? Bah parce que les lois Macron ont prévu que ce sont les GAFA, les grands groupes, qui exercent la censure sur les contenus. C'est la fameuse loi Avia. Mmh. Donc, c'est eux qui sont... On a un système en France, maintenant, pour les réseaux sociaux, de censure privée. Ce sont les grandes entreprises qui exercent cette censure. Pas un pôle public, pas une organisation publique qui ferait de la vigilance, de la surveillance, etc. Non, ce sont les entreprises qui ont ce pouvoir de censure. Alors, quand les grandes entreprises, quand on est une aussi grande entreprise que Facebook ou Twitter, on comprend... que ces gens-là finissent par se dire « bah c'est nous qui décidons, puisque les autres sont incapables de le faire ». Et alors ils évaluent, et ils pensent sans doute, pensent-ils bien faire. Ce monsieur Trump, il est en train de ficher la pagaille avec ce qu'il raconte, ça peut pas durer, quick, on le coupe. Mais ça, c'est la tentation de tout censeur. Celui qui en a le pouvoir croit toujours qu'il sait mieux que les autres. C'est pourquoi on organise les pouvoirs publics. Dans les pouvoirs publics, il y a toujours un pouvoir et un contre-pouvoir. Là, il y a un pouvoir... et c'est tout. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous, moi, Madame Kerwer, on n'est pas d'accord. Eh ben, on a juste nos yeux pour pleurer. Cédric Haut, qui est secrétaire d'État en charge du numérique, il parle de la création d'un cadre législatif, justement. Ah, ben, fallait y penser avant, mais c'est bien qu'ils y pensent maintenant, parce qu'on leur a dit ça aussi. La dernière fois, la loi sur les soi-disant fake news, pour dire les fausses nouvelles, qui étaient déjà punies, ils ont inventé encore autre chose. Une responsabilité de la censure privée, plus le fait que si vous écrivez une bêtise... et qu'on vous prévient en pleine nuit, vous avez une heure pour changer votre bêtise, hein, parce que sinon, votre site est coupé. Peu de gens le savent, tout ça. Mais si, ils l'ont fait. Alors, il y a eu des débats du Conseil constitutionnel. Mmh. Tout le monde sait qu'on a un problème. Ils veulent un cadre législatif. Tant mieux. Mais je ne suis pas d'accord. Voilà le principe de base. Je ne suis pas d'accord pour qu'une entreprise privée décide de ce qui est écoutable par les citoyens et de ce qui ne l'est pas. Jean-Luc Mélenchon, ce qui s'est passé aux États-Unis, ça a donné lieu à un débat avec La République en marche. Chacun accuse en fait l'autre d'être la véritable menace pour la démocratie, etc. Vous concernant, beaucoup ont repris des déclarations passées où vous appeliez, c'est ce qui est dit, à l'insurrection. Il y a plusieurs extraits qui ont été repris, j'en prends un. Un tweet de novembre 2018. Vous écrivez que la Constitution révolutionnaire de 1793 prévoyait que l'insurrection était un droit et même un devoir. Et donc, pour certains... Non, attendez, c'est vrai ou pas que dans la Constitution de 1793, il y a ça ? Ah bah, j'imagine que si vous l'écrivez, c'est que c'est vrai. C'est vrai. Mais pour certains, vous n'avez pas de leçon à donner quand vous avez appelé vous-même à l'insurrection en France. Alors, je trouve ça extraordinaire. Je pense qu'il y a eu des abus pendant les fêtes et que les gens s'en sont parmis. Parce que aller trouver, comme je l'ai lu, que j'étais un supporter de Trump, il faut quand même avoir un peu abusé de la fin de soirée pour arriver à une conclusion politique pareille. Alors, franchement, le droit à l'insurrection était dans la Constitution de 1793. Et il est cité très régulièrement. Le droit à l'insurrection, le peuple français s'en saisit régulièrement. Mai 68... 1946, etc., etc. Mais je n'ai jamais dit, moi, il faut faire des putschs. Jamais. Mais regardez bien comment les choses avancent. Monsieur Trump a déclenché un mouvement d'extrême droite aux États-Unis d'Amérique. Et tout ce que trouve à faire La République En Marche, c'est pas de dénoncer l'extrême droite, de se poser la question de si cette extrême droite est organisée internationalement, si elle a des ramifications en France. Vous avez un très beau reportage qui est passé sur Arte, où il y a eu toute une enquête de fait là-dessus. Problème, c'est Mélenchon. Incroyable. Oui, mais est-ce que vous allez plus loin que ça encore? Là encore, je reprends vos propos sur Twitter. Vous avez écrit « Quand la menace vient de l'extrême droite qui envahit, rien de moins que le Capitole, c'est le déni pour nommer. Quelle alerte faudra-t-il ? » Vous avez aussi retweeté la plateforme multimédia de la France Insoumise avec un article qui est intitulé « Attaque du Capitole, comment les macronistes protègent l'extrême droite ». Bah oui. Vous dites que les macronistes protègent l'extrême droite. Bien sûr. C'est forcément grave. Qu'est-ce qui vous permet de le dire et pourquoi le ferait-il? D'abord, il les protège parce qu'au lieu de parler de l'extrême droite, il parle de moi. Non, mais enfin, le problème des États-Unis, c'est pas Jean-Luc Mélenchon. C'est comment les gens ont pu envahir le Capitole, pourquoi la police ne les a pas arrêtés avant, qui sont ces gens? Ce sont des gens d'extrême droite, des nazis affichés pour certains d'entre eux. C'est ça le vrai problème. Nous savons tous que l'extrême droite nord-américaine rayonne dans le monde. Il faut s'en soucier. En France, il y a des groupes qui sont un danger public. Nous avons demandé qu'ils soient dissous. On ne nous a pas écoutés. Comment je fais pour accuser les connivences entre les macronistes et l'extrême droite? Eh bien, les macronistes ont voulu être le grand parti de droite. Et ils se sont retrouvés avec, sur les genoux, le problème qu'a la droite a par rapport à l'extrême droite. Et vous avez toute une large partie de la droite qui résiste, ne veut pas entendre parler d'un accord avec l'extrême droite. Mais c'est pas ce que font les macronistes, dites donc. Ils vont pas passer un accord avec l'extrême droite. Pardon, quand en décembre, le président de la République, dans une interview à l'Express, dit que Pétain est un maréchal et qu'il mérite qu'on se rende compte que ceci et que cela, bref. Passe encore qu'il croit que Pétain était un grand militaire, ce que je ne crois pas et que le général de Gaulle non plus ne croyait pas. Mais Maurras, qui est un antisémite ouvert, qui ose dire « Ah ben oui, il était antisémite par ailleurs, mais il était brillant ». Non, il était antisémite, point barre. Et par conséquent, c'est un personnage détestable. Il le sait, c'est un intellectuel aussi, Monsieur Macron. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il veut faire des signaux amicaux à l'égard de la culture de l'extrême droite intellectuelle. Je ne parle pas de l'extrême droite non intellectuelle, mais c'est ça qu'il est en train de faire. Et c'est à moi qu'on vient chercher. Moi, j'ai toujours été constant dans ma lutte. Sans faille, sans pause, sans trêve, sans arrangement. Jamais. J'ai été devant, rappelez-vous, j'ai été me faire battre dans la circonscription de Madame Le Pen. Eh ben, j'ai mené la lutte. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, des grands discours pour dire que finalement, Pétain, c'était pas si mal que ça, et Maurras aussi. Non. Ils sont en train de faire des clins d'œil et je les accuse quand ils s'en prennent à moi. Sur cette histoire invraisemblable de Capitole, figurez-vous qu'au début, je n'avais pas compris qu'ils s'en prenaient à moi. Il a fallu que mes amis me disent, ils te mettent en cause. Ils me disent, en cause de quoi? Je suis pas aux États-Unis, de quoi vous me parlez? J'ai soutenu Bernie Sanders. Et j'ai compris. Donc ce qu'ils font, c'est une diversion. Voilà, ils font une diversion. Au moment où l'extrême droite est mise en cause, où ils devraient s'occuper de dissoudre un certain nombre de groupes d'extrême droite, notamment ceux dont viennent les gens qui voulaient m'assassiner, ainsi que Monsieur Castaner. Au moment où il faudrait qu'ils s'occupent de ça, où ils ont une alerte, non, ils s'occupent de quoi? De moi. Des insoumis et de tout ce secteur de l'opinion française. C'est absurde. Ce soir-là, vous vous êtes interrogé sur le silence des parlementaires français, de la politique française, et finalement, dans la nuit, Emmanuel Macron, il a pris la parole. Une allocution solennelle avec le drapeau américain derrière lui. Il a passé un message. Il a déclaré « Nous ne céderons rien à la violence de quelques-uns qui veulent remettre en cause la démocratie ». Mais comment vous l'avez reçu ce message? Il ne cédera rien à ceux qui veulent remettre en cause la démocratie. Il s'est exprimé à 3h du matin. Je suis obligé de vous dire qu'à cette heure-là, je dormais. Mais enfin, le lendemain, j'ai découvert le discours et cette scène ahurissante. Nous ne cédons rien, quoi. Qu'est-ce que nous comptons faire, nous autres Français? Nous comptons intervenir aux États-Unis d'Amérique et aller libérer le Capitole? Non. La seule chose que nous puissions faire, nous autres Français, si nous ne cédons rien, c'est de nous occuper de savoir si les groupes d'extrême droite nord-américains n'ont pas fait ici en France des petits. Voilà. Il ne le fait pas. Et après, bon, pardon, mais je veux pas être excessivement cruel parce qu'il s'agit de mon pays, mais franchement, quelle image, quoi. Un président français en train de gesticuler à 3h du matin, terminant un discours en anglais devant un drapeau nord-américain. Enfin, où on va, là? Il y a un moment où il y a un principe de décence aussi, quand même, et de mesure. Nous sommes déjà la risée du monde parce qu'on n'est pas capable de vacciner des gens. Nous sommes la risée du monde parce que nous ne sommes même pas capables de produire un vaccin, ni une campagne, ni un vaccin. Et maintenant, voilà qu'on y ajoute ce genre de scène qui ne sert à rien. Il fallait faire comme on fait les autres, c'est-à-dire on fait un communiqué, on dit nous, on cédera jamais, on n'accepte pas, solidarité avec les parlementaires américains, etc. Et voilà, c'est ça le rôle de la France. Jean-Luc Mélenchon. Et puis surtout surveiller qu'on n'aille pas nous faire des petits nazis chez nous. On doit refermer la page sur les États-Unis maintenant parce que le temps est compté. J'ai quelques questions. On va essayer d'être un peu rapide. Oui, je vais essayer. J'ai la tentation de m'expliquer. Mais vous avez raison, vous êtes là pour ça. Eh ben oui. Je donne juste un rendez-vous à les téléspectateurs. On revient sur ce qui s'est passé au Capitole ce soir à 20h45 dans un documentaire exclusif sur LCI Capitole. C'est gravissime. Hein. Mais justement, on revient sur ces faits 20h45, mais on continue d'avancer ensemble. Je voudrais vous interroger sur le Mali, sur François Mitterrand et un petit peu de politique avec les communistes. Vous voyez, on a beaucoup à faire encore. Le Mali, 6 militaires français blessés dans une attaque. Récemment, 5 soldats avaient déjà été tués. On connaît vos positions, vous demandez beaucoup plus de transparence. Vous êtes très ferme sur la question du Mali. La ministre en charge a dit que la France va très probablement réduire ses effectifs militaires. Ça devrait être annoncé à l'occasion d'un prochain sommet avec les pays du G5 Sahel. Vous dites très bien. Non, c'est pas rassurant du tout. Et je vais vous expliquer. Depuis 2013, je dis qu'on ne peut pas être en guerre sans qu'on en discute. Il y a des guerres qui sont justifiées, hein, mais on ne peut pas être en guerre sans qu'on en discute, au moins au Parlement. Depuis 2013, nous n'avons jamais voté sur cette guerre. On nous dit aujourd'hui, nous avons été appelés par le gouvernement du Mali. Et en effet, nous sommes intervenus contre un raid qui s'organisait en direction de la capitale. Mais le gouvernement du Mali, déjà à l'époque, n'était pas un gouvernement démocratique. Aujourd'hui, on nous dit, nous y sommes à l'appel du gouvernement. Le gouvernement qui est en place est le résultat d'un coup de force militaire. On peut dire qu'il était justifié, que la population ne pouvait plus, etc. Mais en attendant, c'est ça la situation. Les Maliens font bien comme ils veulent parce que c'est chez eux. Mais nous, les Français, nous avons le devoir de savoir ce que nous faisons. Nous n'y sommes pas chez nous au Mali. Et par conséquent, nous devrons nous en aller un jour ou l'autre. Je pense que même si vous n'êtes pas de mon avis, vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord pour dire qu'on devra partir. Ben, très bien, parlons-en. À quelles conditions, de quelle manière et quand? Voilà les choses dont nous devrions discuter. Et quand Mme Parly dit qu'elle va réduire les effectifs sur le terrain, nous avons 4000 hommes là-bas, 4000 hommes et femmes. Un peu plus si on compte toute la région, ça fait 5000. Bon, on les retire pourquoi, Mme Kerouar? C'est ça la question qu'il faut poser. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on veut moins de monde sur le terrain, plus de drones, plus de surveillance depuis l'espace. Eh bien, ça veut dire qu'on va augmenter les risques de confusion. Parce que, voyez-vous, un djihadiste n'a pas d'uniforme. Et par conséquent, quand ils se réunissent à plusieurs, ils ont toujours l'habileté de le faire au milieu des populations, et que c'est là qu'il faut faire preuve de discernement. Nous ne sommes pas une armée d'occupation au Mali. Nous ne le sommes pas, et nous ne devons jamais le devenir. Les Maliens, c'est un peuple ami et frère. Donc ils nous disent, s'ils veulent qu'on reste, je suis d'accord pour dire que... On ne peut pas plier bagages et s'en aller comme ça. Mais il faut qu'on dise comment on reste, à quelles conditions et à quel moment on s'en va. Et à quelles conditions on s'en va. Il faut préciser ces choses parce que ça, le discrédit de la France, le résultat, c'est que nous allons commencer à être haïs partout. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? On a voulu se rendre utile. Mais ça fait 7 ans qu'on y est. 7 ans, Madame Kerouar. On ne peut pas gagner contre une guerre de guérilla autrement que politiquement. Tout le monde l'a compris en Afghanistan. Enfin, au bout de 20 ans, on y est encore et on n'a toujours pas fini. Jean-Luc, vous voyez. Le Mali, bon, on vous entendra à nouveau sur le sujet, j'en doute pas un instant. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit. Emmanuel Macron qui a rendu hommage à François Mitterrand, à Jarnac, 25e anniversaire de sa disparition à François Mitterrand. Alors, dans l'Obs, vous avez été direct. Hein. Vous avez dit sa présence à Emmanuel Macron, c'est écœurant, ça dégoûte. C'est une manière cannibale de s'approprier un personnage historique comme s'il pouvait en capter quelque chose. Certains vous répondraient, c'est un président qui rend hommage à un président et il a rendu hommage par le passé, Emmanuel Macron, à Valéry Giscard d'Estaing, à De Gaulle ou à Pompidou. Parfait. Et vous, vous dites? Non, je dis ne me prenez pas pour un imbécile. Je sais très bien ce que vous faites là-bas à Jarnac, monsieur Macron. Vous êtes là-bas pour essayer de créer un lien entre François Mitterrand et vous, parce que c'est vrai... Vous avez été membre du Parti Socialiste, monsieur Macron, parce que c'est vrai, vous étiez secrétaire général d'un président socialiste, du PS en tout cas, de la République. Donc vous essayez de créer un lien. Mais ne croyez pas que nous n'allons rien dire, que nous allons confondre l'homme qui a créé l'impôt sur la fortune avec celui qui l'a abrogé, l'homme qui a créé la retraite à 60 ans avec celui qui compte la faire passer à 65 ou à 66. Je pense qu'il y a une manière, vous savez, de tuer l'histoire. Tout se vaut, tout est égal. Plus rien n'a de sens. Et à la fin, plus rien n'est vrai. Et quand plus rien n'est vrai, eh ben vous ne faites plus rien parce que les choses n'ont plus de sens. François Mitterrand représente le programme commun. La mobilisation des communistes, des socialistes de l'époque, du mouvement syndical pour faire avancer les droits sociaux et le progrès social. Monsieur Macron représente exactement l'inverse. C'est vous l'héritier de François Mitterrand, c'est ce que vous dites aujourd'hui? C'est l'histoire de France qui est héritière de François Mitterrand, c'est pas moi. Et tous ceux qui essayent de se l'approprier sont des vaniteux qui ne nous mènent nulle part. François Mitterrand appartient à l'histoire du progrès social en France. On peut avoir à son égard des reproches à faire sur la politique qu'il aurait dû faire ou pas faire. Moi, je lis ça assez souvent sur les réseaux sociaux. Ça m'énerve un peu parce que les donneurs de leçons qui nous disent ce qu'il fallait faire en 1983, il se trouve que personne ne savait au juste quoi faire après 4 dévaluations et un emprunt forcé. Mais enfin, on peut. Mais on ne peut pas lui enlever ça. Et on ne peut pas enlever que cet homme nous a donné une leçon. Il avait perdu les élections législatives. Monsieur Chirac a privatisé. En tant que président de la République, il devait signer les ordonnances. Il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que jusqu'au bout, il est resté fidèle à ce à quoi il s'était engagé avec le programme commun. Eh bien, pour moi, ça compte plus que d'autres choses. Et en tout cas, ça me donne une leçon. Il faut tenir bon et jamais lâcher prise. Et c'est ce que vous allez faire avec les communistes. Vous voyez où je veux en venir. Ils vous disent pas non, mais ils vous disent pas oui non plus, les communistes, pour 2022. Ils vont voir avec les militants. Il y aura un vote dans quelques semaines. Mais est-ce que vous avez espoir? Parce que quand même, Fabien Roussel, le patron du Parti communiste, lui, il est pas tellement partant pour le moment pour une candidature commune. J'ai vu ça. Bon, les communistes et les insoumis et leurs prédécesseurs, quelque chose qui procède d'une même famille. Je ne dis pas identique, parce que sinon on serait tous dans le même parti. Encore que ça s'est posé la question de savoir, en 2011, s'il ne fallait pas créer une nouvelle structure. Hein. Bon, ça ne s'est pas fait. Les dirigeants communistes n'ont pas été de cet avis. Le Front de Gauche ne pouvait pas devenir un nouveau parti où il y aurait eu des communistes et des non-communistes. Bon, moi je le regrette. Je fais ma part d'erreur. J'en ai commis aussi dans ces moments-là. Peut-être qu'il aurait fallu agir autrement. Mais disons, nous sommes aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Dans 98% des cas, on vote de la même manière. Donc, on est très proches. Nous pourrions parfaitement avoir un bon accord pour les élections législatives. Et puis capter ensemble le bilan de notre travail, parce qu'on l'a fait ensemble. 2012, on est passé de 3,5 à 11. 2017, on est passé de 9 à 19. Donc on pourrait continuer cette bonne alliance ensemble, et moi je le souhaite. Et que chacun s'y retrouve, parce que les communistes ont le droit d'exister comme parti, ça va de soi. Et je ne souhaite pas que le Parti communiste disparaisse, je le dis franchement. Ma toute dernière question, Anne Hidalgo. Je signale qu'il y a des communistes qui ont déjà choisi de me soutenir, hein, faut le noter aussi. Marie-Georges Buffet, par exemple. Oui, parce qu'on a, avec elle, fait le Front de Gauche, et que la preuve a été faite que, bon, il y avait là une vision de l'histoire qui était plutôt gagnante. Anne Hidalgo, interview au JDD aujourd'hui. Selon Le Parisien, elle va monter sa plateforme. En gros, elle dit qu'elle va s'investir dans 2022. Elle confirme pas de candidature. Mais vous redoutez une candidature d'Anne Hidalgo ? Non, mais c'est la démocratie. Elle, si elle est candidate, ce qui semble plus peu probable, elle sera candidate du social-libéralisme. C'est un courant qui existe en France. Il a eu un président, François Hollande. D'autres, bon, bah, c'est normal. C'est le centre-gauche, ça existe. Alors, moi, j'appartiens à une autre logique, qui est de dire on tourne la page de ce système absurde et on se met à autre chose. Si je dois être classé à gauche, alors je suis dans une gauche de rupture. Elle est dans une gauche, bon, voilà, ils pensent que le libéralisme c'est bien, le marché. Moi je suis pour une société d'économie mixte. Il y a des différences que les Français les arbitrent. Il y a une différence majeure sur la constitution de la Ve République. Je suis pour passer à la Sixième. Il y a une différence majeure sur l'Europe. Je suis pour désobéir aux traités européens et passer à autre chose. Elle non. Bon, bah, il faut que les Français tranchent. C'est pas elle et moi qui allons nous mettre dans un bureau et dire, allez, on coupe la poire en deux. Un jour, on désobéit, le lendemain, on obéit. Jean-Luc Mélenchon, merci d'avoir été notre invité dans Toute franchise ce soir. Thank you. une petite revue de presse, ben, si vous voulez. Alors, tiens, je vais faire un peu de pub pour une télé que j'enregistre de temps en temps. C'est Télé Bocal, alors télé, T-E-L-E-B-O-C-A-L, .org, O-R-G. Lui passe des enregistrements qui sont souvent intéressants, très intéressants même. Alors, par exemple, 7-5 de 2021, 21h, l'aluminium dans les vaccins. Alors, l'Institut Pasteur avait supprimé l'aluminium dans les vaccins. L'Institut Pasteur. Les laboratoires Mérieux ont remis de l'aluminium dans les vaccins. Dans tous les vaccins. Alors, les conséquences possibles, ça peut être des allergies, de l'asthme, rhinite, voilà, alors c'est en cause l'hydroxyde d'aluminium, et puis d'autres conséquences, ça peut être myofascite à macrophage, syndrome, maladie iatrogène, etc. Voilà. Donc vous voyez, même sur la télé, on peut avoir de temps en temps, bon, il faut choisir les chaînes, hein, c'est sûr, hein, parce que si on se farcit les chaînes habituelles, les chaînes entre guillemets normales, on a de l'information normale, c'est-à-dire normalisée, c'est-à-dire banalisée, hein, aplatie, voilà, hein, qui veut plus rien dire. On n'est plus informé, quoi. Hein, voilà. C'est pour ça qu'on a fait les radios libres, les radios locales, il y a 40 ans, parce qu'il y en avait marre des radios, des télés, des journaux officiels. Enfin, tenus en main par les officiels. Les officiels et leur... Et leur chef, hein, parce que ceux qu'on voit au pouvoir, c'est pas ceux qui ont vraiment le pouvoir. Eux, ils ont les apparences du pouvoir, les politiques. Mais eux, ils sont sur scène. Et vous, je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a des ficelles qui montent dans les coulisses en haut, hein, qui montent dans les décors, dans les cintres. Et oui. Et ceux qui tirent les ficelles, on les voit jamais. Et oui. Ce sont des gens du monde économique qui eux dirigent tout, y compris la politique, bien sûr. Le pass sanitaire, une mesure antisanitaire. L'accès aux soins n'est malheureusement pas la préoccupation du gouvernement. La culpabilisation des personnels de santé est utilisée comme un bâillon pour éviter le débat public sur les politiques de santé et la désagrégation de l'hôpital public. Il y a déjà eu trop de retard dans les prises en charge de pathologies comme le cancer, pour ne pas rajouter des barrières, d'autant plus que la notion de non-urgence ne peut être affirmée qu'après examen médical. Sans parler du coût du contrôle sanitaire à l'entrée des hôpitaux, évalué à 60 millions d'euros par mois, selon la Fédération hospitalière de France. Une véritable gabegie au regard des restrictions budgétaires qui occasionnent partout fermeture de lits et de services. La coordination dénonce ce choix insupportable de la limitation des libertés plus que de la santé. Voilà, vous voyez, il y a du mécontentement dans l'air quand même, hein. Eh oui, et puis des gens dont c'est le métier qui observent comment les choses se passent concrètement, hein. C'est pas des discours politiques. Ce sont des constats de professionnels. Alors, Gilles Perret a répondu, Emmanuel Macron. Et hommage ému à Arsène Tchakarian, dernier survivant du groupe Manoukian. Rappelez le groupe Manoukian, l'affiche rouge, de l'affiche qui semblait une tache de sang. Au travail de mémoire, il fut un héros de la résistance et un témoin inlassable dont la voix jusqu'au bout résonna avec force. C'est ce qu'a écrit Emmanuel Macron. Alors Gilles Perret lui répond. Un peu de décence, monsieur. Emmanuel Macron. Il s'est battu pour instaurer un monde meilleur et plus égalitaire à travers le programme du CNR, Conseil National de la Résistance, que vous êtes en train de détruire avec arrogance. L'homme est le seul animal qui fait souffrir l'autre seulement dans le but de le faire souffrir. Les autres animaux le font uniquement pour satisfaire leur faim ou quand ils se trouvent dans la fureur de la lutte. Signé Arthur Schopenhauer. Selon une enquête du Canard Enchaîné, le nombre de lits de réanimation en Île-de-France serait passé de 2500 en mars 2020 à 1700 aujourd'hui. Donc, en pleine pandémie, la Macronie aurait supprimé 800 lits de réanimation. Si cela se vérifie, c'est un véritable scandale politique. J'ai vu qu'un ou deux syndicats avaient fait un appel à la grève. Je le dis, vient un temps où ces personnes-là n'auront plus le loisir de faire grève. Signé Olivier Véran. Eh oui, ils sont dangereux ces gens-là. Très dangereux. On a déjà connu ça dans l'histoire. Des gens dangereux pour la démocratie. Respectons les animaux et la planète. Si vous prenez 100 fourmis noires et 100 fourmis rouges et que vous les mettez ensemble dans un bocal, rien de particulier n'arrivera. Mais si vous prenez le bocal et que vous le secouez violemment, en le reposant sur la table, les fourmis vont alors commencer à s'entretuer. Les fourmis rouges pensent que les fourmis noires sont les ennemis, pendant que les fourmis noires croient que ce sont les fourmis rouges. Alors que le véritable ennemi est la personne qui a secoué le bocal. Ce constat est également vrai dans notre société. Avant de se battre les uns contre les autres, nous devrions nous poser la question, qui a secoué le bocal? Syndicat CGT des cheminots de Paris, gare de Lyon, SNCF. 6 août 1946. Moi je n'oublie pas l'histoire et ce bel anniversaire. Le 6 août 1946. Il n'avait fallu que 3 mois au peuple français, essentiellement des militants CGT, pour bâtir le grand chantier de la sécurité sociale. Ambroise Croizat, maître d'œuvre, inaugurait ainsi dans un pays pourtant ruiné la fin de l'obsession de la misère et le début d'une ère de dignité en ces mots prononcés à l'Assemblée nationale. ". La sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et à toutes les Françaises, sans considération politique, philosophique ou religieuse. Ce qu'elle donne aux Français ne résulte pas de la compassion ou de la charité. Elle est un droit profond de la personne humaine, un droit profond de la personne humaine. Elle sera, nous en sommes sûrs, d'une portée considérable à long terme. Elle permet d'espérer en raison des perfectionnements postérieurs qui pourront lui être apportés, voir la France et la République se placer au premier rang des nations du point de vue du progrès social. Signé Michel Etiévan. Voilà, on en est là. Alors la sécurité sociale, il faut la surveiller de très près pour éviter que les gens qui nous gouvernent ne la sabotent. Thank you. Ce que j'ai lu tout à l'heure, bien, ce sont des tracts, des choses trouvées sur, notamment sur Internet. Hein. On peut trouver l'information, on peut la trouver. Hein. On a de moins en moins d'excuses de ne pas être informé correctement. Mais l'information, il faut la chercher et puis critiquer. C'est-à-dire que lorsqu'on lit quelque chose, bien, on se pose des questions pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, ou si c'est partiellement vrai ou partiellement faux. Et quelles sont les raisons qui nous font penser ainsi. Alors maintenant, prenons dans la vraie presse. Hein. Alors, Vosges Matin, par exemple, mercredi 4 août 2021. France Yat, victime de la chasse aux sorcières. Au tout début du XVIIe siècle, il ne faisait pas bon être à l'écart de sa communauté. Un simple mot et des attitudes jugées étranges pouvaient conduire au bûcher. Voilà. Ah oui, c'était au quoi? Au XVIIe siècle, hein. Rien longtemps, hein. XVIIe siècle, on est au XXIe siècle, hein. Ça risque pas de se reproduire, la chasse aux sorcières. Ça n'existe plus maintenant. Il n'y a pas de gens qui perdent leur emploi parce qu'ils sont classés un peu de gauche, par exemple, ou ils sont repérés comme étant syndiqués, hein. Ah non, on ferait pas des choses pareilles, hein. République française, hein. République. Ouais. Menace sur un timbre de plus en plus cher. La Poste va augmenter ses tarifs de 4,9% en moyenne en 2022 dans un contexte d'effondrement des volumes de courrier. Ben oui. Eh oui. Le progrès technique fait que, voilà. Voilà. Remiremont, jeté dans un avion à 93 ans. Depuis l'Algérie, elle est secourue. Triste fin pour Malika Kali. Une dame d'origine algérienne qui a vécu plus de 40 ans à Remiremont. Elle a ses 83 ans, elle est repartie dans son pays. Mais 10 ans plus tard, elle s'est retrouvée contre son gré dans un avion pour Paris. Un appel à témoins permet de remonter jusqu'à Remiremont, bon, où elle est décédée. Poca, le chien qui renifle le virus. En Alsace, l'EHPAD de Kunheim, près de Colmar, est le premier à disposer d'un chien détecteur de Covid. L'efficacité du flair de Poca est supérieure à celle du test PCR et beaucoup moins intrusive pour les résidents. Ben, il y avait déjà des tests comme ça pour repérer, je crois, certains cancers et d'autres maladies. Et les chiens ont un odorat qui est, je ne sais pas combien, de plusieurs milliers de fois supérieur à notre odorat à nous. Alors, ce qui fait qu'ils sont tout à fait capables de repérer des signes de telle ou telle maladie. Et ça va très vite, ça leur prend que quelques secondes, hein, pour nous faire signe, pour nous dire, ben voilà, là, il y a tel risque. Alors, c'est peut-être une piste à creuser, à suivre. Oh, certainement. Violence intrafamiliale, les forces de l'ordre ciblées par une pétition. Soutenu par des associations et des élus, le collectif Abandonne Famille Tolérance Zéro demande au ministère de l'Intérieur que soient recensés tous les membres des forces de l'ordre mis en cause dans des affaires de violence intrafamiliale. Le sous-sol lorrain, réserve de gaz de charbon, point d'interrogation. Alors, oui, on publie des choses sur les prévisions de l'évolution de la météorologie dans les années qui viennent, le réchauffement climatique qui est de plus en plus catastrophique et qui sera peut-être tragique pour la génération qui vient, pour les générations qui viennent, et sûrement même, si on ne fait pas le nécessaire en temps voulu, et on n'est pas parti pour ça apparemment. Alors voilà, donc on risque de produire du gaz extrait du charbon. Ben oui, mais le gaz, c'est toujours du carbone, hein, eh oui. Il y aura toujours production d'oxyde de carbone, de dioxyde de carbone. Nancy Covid, un jeune homme soigné pour une myocardite après sa vaccination. Un garçon de Faux, de 18 ans, Faux, F-A-U-L-X, s'est retrouvé en soins intensifs en cardiologie à Nancy, après sa deuxième injection du vaccin contre le Covid de Pfizer. Le jeune homme a fait une myocardite, un effet secondaire rare de la vaccination. Il devrait s'en sortir sans séquelles, devrait, conditionnel. Les écologistes en piste pour la primaire. Ah ah ah. Oui, présidentielle 2022. Rien n'est jamais simple avec les écologistes qui organisent une primaire ouverte en septembre pour désigner leur candidat à la présidentielle. Quatre personnalités s'opposent et font déjà campagne. Jadot, Piolle, Rousseau, Bateau. Ça promet. Les États-Unis. Transport, l'ambitieux plan d'investissement de Biden. Les sénateurs américains doivent se pencher prochainement sur le gigantesque plan d'investissement proposé par le président Joe Biden pour revitaliser les infrastructures du pays, trop longtemps négligées, selon lui. Tiens, toute ressemblance avec des pays proches de nous, ben oui, ce serait le hasard. Remiremont, les jeunes ne se précipitent pas dans les centres de vaccination. Si, il y en a, mais voilà, bon. Bernard Viry entre à l'Académie française d'architecture. À 80 ans, Bernard Viry, l'ancien dirigeant fondateur de la société éponyme à Éloie, a changé de costume devenant un architecte de renom, notamment en Chine. À tel point que l'Académie d'architecture française le sollicite aujourd'hui pour intégrer l'institution en tant que membre associé. Une consécration. Effet indésirable de la vaccination. 70 000 cas recensés depuis 2020. Alors, on change de sujet. Quoique, il y a peut-être des liens. Hein. La bourse. Alors, quelles sont les actions qu'il faut acheter? Ou qu'il aurait fallu acheter? Parce que c'est peut-être un peu tard déjà. Alors, une action qui monte bien, plus 49,53%, c'est Capgemini. L'action vaut 189,6 euros. Ensuite, autre action, Essilor Luxottica. Alors, plus 30,07%, l'action vaut 165,9 euros. Ensuite, Hermès Intitle, 1340,5 euros, vous avez bien entendu, et elle a augmenté de 52,40%. Alors, Hermès, hein, oui. Alors, autre action qui a bien monté aussi, 782 euros, Kering, alors je ne sais pas ce qu'il fabrique, Lagardère S.A., plus 13,96%. L'Oréal, par contre, vaut 399,5 euros. Hein. Alors, action qui a bien monté aussi, c'est Valneva, plus 58,6%. Ubisoft Entertainment, moins 36,58. Ah oui, il faut faire attention hein, parce que vous achetez les actions. Le lendemain, elles valent nettement plus cher ou elles valent nettement moins cher. C'est un peu de loterie, hein, quand même. La bourse, hein, oui, ben oui, ces gens-là, ils jouent avec notre argent, enfin l'argent qu'ils ont gagné grâce à notre travail. Ils investissent en bourse et puis, ben voilà. Société Générale, plus 61,76%. Saint-Gobain, plus 70,51%. Vous voyez, ça va pas mal du côté du monde du capital. Enfin, j'ai pas tout lu, hein. Faudrait analyser ça plus en détail, hein. pour savoir si ça vaut le coup d'investir ou pas. La Syrie de la Halière ravagée par un incendie. Alors ça, moi je comprends pas bien. Hein, pourquoi une Syrie comme ça, à Oufer, a été ravagée par un incendie. Il y a Oufer, prêt pour la visite, il n'y en a pas tellement dans les Vosges. Hein, pas tellement. 87% des patients en soins critiques ne sont pas vaccinés. Eh oui. Une pancarte de la manif anti-pass suscite l'indignation. Samedi, lors de manifestation contre le pass sanitaire à Metz, une femme a défilé avec une pancarte affichant un message considéré par beaucoup comme antisémite. Considéré. Le parquet a ouvert une enquête. Alors, qu'y a-t-il sur cette pancarte? Ben, il y a écrit des noms. Fabius, Attali, Buzyn, Attal, Vérin, BFM Drahi, Macron, Salomon, Soros, K. Schwab, je ne connais pas, BHL, Ferguson, alors mais qui, traître, alors bon voilà, la responsable a été inculpée, on verra. Belarus, Loukachenko ou la dictature sans fin. Le 9 août 2020, Alexandre Loukachenko déclenche une révolte pacifique en s'affirmant réélu président avec 84% des voix à l'issue d'un scrutin truqué. Un an plus tard, le dictateur est toujours en place grâce à une répression féroce et au soutien de la Russie, au soutien de Poutine. Disparition de Jean Ilfige, soutien des forces de libération américaines. Alors qu'il n'avait que 14 ans, Jean Ilfige a fait honneur à la tradition familiale en conduisant les soldats américains loin des ennemis de l'autre côté de la Moselle, où ils ont pu libérer le secteur de Remiremont des Allemands en septembre 1944. L'homme qui a voué sa vie au devoir de mémoire et au patriotisme s'est éteint. Et oui, parce que peut-être que grâce à lui, Remiremont n'a pas subi les foudres de la Wehrmacht en retraite. Et oui, j'ai été surpris de voir les Américains arriver d'un côté où ils ne les attendaient pas. Eh oui, ils pensaient que le franchissement de la Moselle n'était pas possible ou très difficile. Et Jean-Louis Figé connaissait un endroit où c'était possible. Il les a aidés à traverser. Crise climatique, il n'avait que 14 ans. J'ai passé, il y a 2 ans, un enregistrement de son discours à l'inauguration du passage de la Moselle à la fête de commémoration. Crise climatique. Le rapport du GIEC prévient que le réchauffement climatique risque de s'accélérer encore plus vite qu'on ne le craignait. Les experts de l'ONU appellent à une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre pour éviter un scénario catastrophe. Oui, ben, il va falloir s'y mettre. Et puis drôlement. Radio Zvavo. Zvazo, Z-W-A-Z-O. Alors Zvazo, c'est Zvazo, hein, ben oui, un bouillon de culture à podcaster. Alors Stéphane Kay, qui a fait ses débuts radiophoniques il y a peu sur Radio Guémozo. Voilà. L'avertie Corinne Ballot prend le commandement du commissariat de police. La nouvelle commandante Corinne Ballot a pris ses fonctions au commissariat de police de Remiremont depuis peu. Un juste retour pour celle qui voulait finir sa carrière là où elle a tant appris. Alors la nouvelle commandante, et là, ils ont oublié une lettre. C'est la nouvelle commandante au féminin, commandant. Hein? Le mot commandant, il peut se mettre au féminin, mais oui, commandante. Le blob, nouvelle hôte mystérieux de Pesquet dans la station spatiale. Ni plante, ni animal, ni champignon. Le blob fascine les biologistes. L'organisme inclassable va connaître cette semaine son odyssée dans l'espace afin de participer à une expérimentation menée conjointement par l'astronaute français et plusieurs centaines de milliers d'élèves du CE2 à la terminale. Alors ça, chapeau, faire participer les élèves à la vie réelle du pays, et y compris à la recherche. Alors là, bravo. les entreprises en quête de main-d'œuvre. Alors, je vous lis pas l'article, hein, parce que il y a 6 millions, entre 6 et 7 millions de chômeurs en France, et il y a des entreprises qui, paraît-il, manquent de main-d'œuvre. Est-ce qu'on se mettrait, on se moquerait pas de nous, quelque part? Besançon. Un homme décroche et déchire le portrait de Macron. Eh oui. Hein? Vous avez vu ça? Vous avez entendu ça? Besançon, un homme décroche et déchire le portrait de Macron.